100% rap français. 100% explicit lyrics. La Nocturne. Et c'est parti juste après Default pour La Nocturne 100% rap français. Il était là tout à l'heure dans le Planète Rap de Nekfeu. Yeah. Il est de retour pour sa Nocturne pendant une bonne heure. Monsieur Esprit Noir, comment va ? Ça va et toi Fred ? En pleine forme ? En pleine forme. Content que le projet soit sorti. Ça y est, ouais, c'est sorti depuis quoi ? Une dizaine de jours même pas ? Ouais, voilà, une dizaine de jours. Et c'est la première fois que je suis dans les bacs, tu vois. Ah oui, parce que d'habitude c'était du digital. Digital ou téléchargement gratuit, tu vois, tous ces trucs-là, internet. Et là, pour la première fois, je suis dans les bacs. Donc ça s'appelle Le Monde ne suffit pas. C'est ça. C'est en deux galettes en plus, hein. Deux galettes. On s'est pas foutu de la gueule des gens quand même. Ah ouais. Ouais, on a double. Double CD. En fait, il y a Le Monde ne suffit pas. Donc, qui est le nouveau projet. Donc, inédit, que des morceaux inédits. Voilà, que des morceaux inédits. Et t'as aussi Licence to Kill qui a été sorti l'année dernière. Tu te rappelles, j'étais venu te voir aussi à La Nocturne. Exact, avec. Et avec Licence to Kill. Et donc, t'as 11 sons aussi sur cette deuxième galette. Donc, il faut l'avoir, faut aller chercher, faut aller en magasin. Parce que je sais que toi t'es plutôt aussi support physique. T'aimes bien l'avoir. Ouais, moi, j'aime bien le physique. Tu fais quand même partie que... de cette génération téléchargement quand même aussi. Ouais, voilà, moi c'est un mélange des deux. Ouais, entre les deux en même temps. Voilà, un petit mélange. Donc, mais j'aime bien le physique. Tu sais, parce que t'as les photos, t'as, je sais pas, les dédicaces du rappeur. Je sais pas, t'as tous ces trucs là, tu vois, qui sont bien. Et puis c'est bien d'avoir le truc, sentir le truc, tu vois, entre tes mains. Et bah très bien, donc vous pouvez l'avoir dans les magasins dès demain. Ou sinon, si on veut quand même l'avoir en téléchargement légal, on peut aussi y aller. Hein. On peut y aller sur Spotify, Deezer, iTunes, tous ces supports-là. Esprit Noir, notre invité, on débute tout de suite. Yeah. Avec un morceau qui est extrait de Du Monde ne suffit pas, justement. C'est ça. La nuit. La nuit. C'est La Nocturne 100% rap français. C'est Monsieur Esprit Noir au contrôle. Yeah, yeah. Fougère de couleur. My heart. Le monde ne suffit pas, c'est dans les bacs. Et j'entends les gunshots. N-E. Et j'entends les wheels. La nuit. Yeah. Petit, je pense qu'à mes sauces, à faire du cash en été, à traîner tard dans des halls, on voulait tous faire du play. En vrai, je me faisais du play, la rue me faisait du pied. À l'école, je suis dissipé, même si ma mère m'a bien éduqué. Moi, je rêve de foot et de cross, je réponds mal à mes profs. Mes appréciations sont pop, du coup, je me mangeais des parts. Maman me disait, tu sais, que si t'es absent en classe, tu finiras dans la rue à compter les gens qui passent. Je veux pas que la police t'enquisse, sinon je t'arrache la peau. Mais moi, je me crois vif, j'anticipe, je suis en pleine crise d'ado. Fini les claques et les cris, maman me prendra mes clés. Ce soir, je dors sur palier, parce qu'à la base, rien dans les poches, je voulais voler. Maman me disait non, non. Petit va à l'école pour décoller. Moi je disais non, non. Là-bas c'est rempli d'ennemis. Ce son c'est pour tous mes OG et toutes les mamans d'OG. J'ai grandi maintenant. Yeah. Fais-moi confiance, j'ai un plan. Je vais faire du cash. Et je me suis mis à parfait juste pour éviter la crise. Mais l'illégal est un souffle dont je ne peux éviter la prise. Et je me rends compte que c'est dur, que la vie est un choix, qu'une amitié se prise et qu'une garde à vue dure un soir. Parfois je doute et picole, simplement pour oublier. Comment faire pour oublier? Ma mère se doute de mes bricoles au détriment de mon père. Moi c'est la nuit que j'opère. Pour acheter je me dois de vendre. La police viendra me prendre. Maman a sûrement raison, je me le dis au fil des saisons. Parfois je regrette l'école, le lendemain je décolle. Là je te plante mes négrés, l'erreur nourrit mes regrets. Je dirai donc à mon fils que à la base, rien dans les poches, je voulais voler. Maman me disait non, non. Elle me disait non, non. Petit va à l'école pour décoller. Moi je disais non, non. Je disais non, non. Là-bas c'est rempli d'ennemis. disais non, non. J'ai grandi maintenant. Fais-moi confiance, j'ai pas un plan. Rien dans les poches, je voulais voler. Maman me disait non, non. Petit va à l'école pour décoller. Moi je disais non, non. La base est remplie d'ennemis. Je disais non, non. J'ai grandi maintenant. Fais-moi confiance, j'ai un plan. La planète rap nocturne sur Skyrock. Nocturne. Yeah, yeah, yeah, esprit noir, négro, le monde ne suffit pas. Bouge. Hey, hey, hey. Fumée noire sort du pot d'échappement. Wouh. Joue pas les fous, on peut t'ôter chaque membre. Wouh. Algérien, serre RP de Jackman. Yeah. Mon équipe vient de tout département. Debout dans le club, fuck le temps des coutures. Balthazar de champ payé en petite coupure. Salope d'Europe de l'Est qui porte des sapots de couture. Hey. Network sur la banquette, être en ton zizi tout dur. Bâtard, tu me fais pas peur, tu peux pas me faire sursauter. D'après eux, tu rap sale, d'après nous, t'es surcoté. Tu fais ça comme un clown, cousin, t'as sapé sauté. Moi, ouais, moi, lui, grave dans le sang, on fait pas de pas sur le côté. Gère ta pute, grand, prends ton fun. Gère ta pute, grand, prends ton fun. Gère ta pute, grand, prends ton fun. Posé dans le club, frère, on fume le calumet. Moi, je suis pacifique, mais mon frère peut t'allumer. Gucci sur la paire, bouteille dans le seau. Deux pas en arrière, frère, joue pas les shows. Pour tous mes gens qui vont en boîte de nuit. Hey. Je lève mon verre à la tienne, bien sûr qu'on va à la ken. Si c'est seul, bouge. Sa mère le videur, c'est bien avant 6h. Tu m'étonnes, bouge. Fougère est dans la place. Tchis. Trop de sur, on a pour les crosser. Éveille nos sens, ramène-nous les gosiers. Si t'as du cash, on pourra négocier. J'ai toujours 2-3 baveux pour sortir des procès. On se déplace en équipe dans l'intention de tout niquer. Je passe par Helvétique, argent US, missonité. Contrôle de la poitrine, crochet du gauche, palpiqué. On fait les choses à part, on fait les choses appliquées. Soigne les visus, carte black et bisous. Pour mes gars, pour mes dames, écharpe, sac et bijoux. On a le flow qui plaît, soit ça, tout ce qu'il faut. Les bombasses équipées, sur toi tout est faux. Gère ta pute, grand, prends ton fun. Gère ta pute, grand, prends ton fun. Gère ta pute, grand, prends ton fun. Posé dans le club, frère, on fume le calumet. Moi, je suis pacifique, mais mon frère peut t'allumer. Gucci sur la paire, bouteille dans le seau. Deux pas en arrière, frère, joue pas les shows. Je lève mon verre à la tienne, bien sûr qu'on va à la ken. Si c'est seul, bouge. Sa mère le videur, c'est bien avant 6h. Tu m'étonnes, bouge. C'est la nocturne Esprit Noir au contrôle avec ce morceau qui est extrait du Monde ne suffit pas. Yes, exact. Bouge. À l'instant, le morceau bouge. Et c'est vrai qu'on a eu deux facettes d'Esprit Noir, un petit peu avec ces deux morceaux avec lesquels on a débuté. Ouais. J'ai fait exprès de mettre deux côtés que j'exploite. Enfin, deux côtés. En fait, c'est moi, hein, tu vois, tout simplement. Ouais, j'ai un côté conscient, un peu comme tout le monde, on va dire. Un côté un peu plus festif. Un peu plus festif, voilà, un peu plus ego trip. Un peu, voilà, c'est ce qu'on peut retrouver dans c'est un double album, on le disait. Ouais, c'est ça. C'est dispo dans les bacs. Esprit Noir, notre invité, entre minuit et 1h du mat ce soir. Yes. C'est lui qui a pris le contrôle de la nocturne. On va repartir sur quoi, Esprit? Tu sais quoi, j'ai envie de faire découvrir. Ou de retourner peut-être sur. Ouais, j'ai envie de revenir en arrière. J'ai envie de revenir en arrière avec un morceau qui s'appelle Paramètre. Paramètre? Ouais. Pourquoi celui-ci? Donc il faisait partie de Licence To Kill. Hein, voilà, il faisait partie de Licence To Kill. Et en fait, ben, d'après mes auditeurs, tu vois, c'est l'un de mes meilleurs morceaux, voire le meilleur morceau. Ah ouais? Ouais. Apparemment. Apparemment. Apparemment. Bah, dites-nous, envoyez. Et puis même moi-même, je l'aime bien. J'aime beaucoup l'instru, tu vois. J'ai kiffé sur cet instru. Et voilà, je trouve que que c'est un bon morceau. Bon bah dites-nous vous aussi, il y a Esprit Noir, balancez des messages avec le hashtag La Nocturne, le hashtag Skyrock aussi. Yeah. Esprit Noir d'ailleurs, rappelle aussi pour te suivre toi sur les réseaux sociaux pour les gens qui veulent. Bah écoute, on est sur tous les réseaux, hein, Instagram, Twitter, Facebook. Donc pour ces trois réseaux là, c'est la même chose. Donc c'est Esprit Noir, Esprinoir. Voilà, Esprit Noir. Esprit Noir, avec nous, dans la nocturne, c'est lui qui a pris le contrôle. Dieu. Dans mon décor, y'a plus d'école, tout le monde est gore. Ramène du sky, on pleure des morts. Ramène un nine, on ouvre des portes. L'argent sabote nos rêves, ça passe Noël sans artifice. Et c'est cette putain de société qui offre nos mères en sacrifice. En prison, tu consommeras les pâtes que font les femmes ritales. Brûle ton avenir avec un jerrycan, pendant que l'État ricane. Dieu. On aime ce plein de mots, font notre vie n'est pas si triste. On bataille pour être pacifique, s'établir dans le Pacifique. Ici c'est H, putain c'est flic, boy. Casse plus qu'un et fric, hein. Nasri, quoi, l'équipe, c'est tout ce qu'on parle, pétasse, c'est chic. Faut-il qu'on te braque pour que tu te fies en Dieu? J'ai quelques rimes en eux, on discute à bas avec un silencieux. Parce qu'à la base, on vient des sous-sols, le soir, on fait des sous-sales. Va dire aux politiques, aux élections, on votera pas. Ça augmente pas nos putains de paix, on se sent pas représenté. Papa d'humeur à plaisanter, bien trop de mes frères reposent en paix. Bien sûr, les hyènes ont une insigne, beaucoup d'entre nous leur sert de clou. Pas besoin de jurer par un mec, on veut changer les paramètres. Un peu de cerveau des coronets. On veut changer les paramètres. On veut plus de 2000 euros net. On veut changer les paramètres. La jugette met des peines planchées. Je t'avais dit qu'elle est pas commode. Donc c'est la même pour les trois quarts. Elle te fout direct au placard. Tu me parles de politique, je te parle de flics qui tuent dans nos cités. De casse, de banditisme, de schlag intoxiqué, de vraies atrocités. De mecs qui s'attachent à la tâche, qui saccagent ton appart. Ensuite mon pote qui s'accapare ta part. Eux aiment l'idée que nos banlieues crament. Que ma jeunesse sature et craque. Se retrouve dans le bloc pour prendre du crâne. Forcé de prôner la droite du crack, nous, du mal à s'attacher aux filles. On peut pas travailler pour SMIC. Nos crânes, mon pote, sont saccagés au shit. Vu qu'ils ont saccagé notre site, l'Afrique est suée un génocide sale. Le soir, mon pote, on fait du fric. Parce qu'à la base, on vient des sous-sols. Le soir, on fait des sous-sols. On est prisonniers de France. On est ensemble. On votera pas, ça augmente pas. Avec les matins qui savent pas, les mecs. On se sent pas représenté. Papa d'humeur à plaisanter. Bien trop de mes frères reposent en paix. Bien sûr, les hyènes ont une insigne. Beaucoup d'entre nous leur sert de clou. Pas besoin de jurer par un mec. On veut changer les paramètres. Un peu de cerveau des coronets. On veut changer les paramètres. On veut plus de 2000 euros net. On veut changer les paramètres. Moi, je te le dis, c'est l'État qui fait de nos petits. Des guetteurs ou des rabatteurs. Des dealers de plomb puissantes aux symptômes ravageurs. Tu préviendras ta sœur, tes oncles, même tes tantes. Qu'on creuse tes tombes au mois de décembre. Vu qu'il y a des bombes dans nos descentes. Parce qu'à vrai dire, on a rien à se mettre sous la dent. Plus proche du canon sur la tempe que sous ma tente. Tchè cousin, y'a pas de mille facettes. On fait vite ta fête dans une estafette. Quand les flics s'affairent pour des petites affaires. Cannabis combien, atterrit sa freine. Nanterre fleurie, bois dans la santé. Pendant que l'hémicycle boit ta santé. T'es là, tu stagnes, enrichis leur stade. Et tu recules au lieu d'avancer. Pendant ce temps-là, l'Afrique essuie un génocide sale. Le soir, mon pote, on fait du fric. Parce qu'à la base, on vient des sous-sols. Le soir, on fait des sous-sales. Va dire aux politiques, aux élections, on votera pas. Ça augmente pas nos putains de paix. On se sent pas représenté. Papa d'humeur à plaisanter. Bien trop de mes frères reposent en paix. Bien sûr, les hyènes ont une insigne. Beaucoup d'entre nous leur sert de clou. Pas besoin de jurer par la mec. On veut changer les paramètres. Un peu de cerveau des coronets. On veut changer les paramètres. On veut plus de 2000 euros net. On veut changer les paramètres. Check, motherfucking. Yeah. La planète rap nocturne sur Skyrock. Nocturne. Yeah yeah yeah. Esprit Noir négro. Le monde ne suffit pas. C'est dans les bacs. Un double CD. Va chercher ça, mon pote. Nouvelle école. Skyrock. Check. Fougardo, check. Hey, primo, moi j'aime pas ta tête. Secondo, j'aime pas ta tête. Arrache-toi, j'ai pas de plaquette. Bolo, smart, la tech. Dans ma pote, j'ai pas de tapette. Quand on raquette, ça tourne pas 5-7. J'veux des 4-5 chiffres. Après le 1, mes 4-5 chiffres. Tous mes 4-1 chiffres. Si tu veux du rap sensif, petite carte, mon début vaut bien puisque tes placements de chiffres. J'assassine les passes l'auto. J'ai les sons qui passent aux os. Chez les cas sociaux, j'ai fait toutes mes classes aux os. C'est le 20-20-20, mais j'ai vécu dans le 1-8-0. Au milieu des buts, des règlements de concho. Près des canailles et des caras qui partent pas de poncho. Près des quartiers gang, des fous, des dingues, des salles, des games. Je prends des flics, du des flingues et puis des placements d'eau. Esprit fait le bien. Je ne connais ma mie. Fais le coup. Tu veux des dièses, mais le prix. Fais le bien. Je ne connais ma mie. Fais le coup. Tu veux des dièses, mais le prix. Fais le bien. Tu ne connais ma mie. Fais le coup. Tu veux des dièses, mais le prix. Fais le bien. Tu ne connais ma mie. Fais le coup. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Esprit noir, c'est négro. C'est la 7, 5, City, venu pour les plomber. C'est la 7, 5, City, venu pour les dompter. Quand on arrive, baisse les stores. On a l'outillage pour tous les plomber. J'ai besoin d'un penthouse comme Didi, à peu près dans tous les comtés. Pas besoin d'une montre Patek Philippe pour savoir que mon temps est compté. Moi et mes gars, on se check de l'écho. Je me suis fait dans les bas, dans les hauts. Aucune lacune impeccable et ma pose. Je ne fume jamais sur du mauvais matos. Là sous la neige, le beau temps, même la pluie. Je ne frappe jamais sur de mauvais appuis. Tu peux toujours cuisiner, cuisiner, cuisiner, cuisiner. Tu n'auras jamais ma dose. Yeah. Tu ne connais ma mie. Nouvelle école sur Skyrock. Esprit noir sur Skyrock. Tu veux des dièses, mais le prix. Sur Skyrock. Tu ne connais ma mie. Tu veux des dièses, mais le prix. Tu ne connais ma mie. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? C'est la 7, 5, City, venu pour les plomber. Mon phrase est vers les désossés. Pour ceux qu'on fait des 400 coups. Tu dis le bol de portable, une claque et on éteint ton pouls. Même si t'as le jeu de jambes de Vandame, pratiquer la bande d'armes. S'il peut passer d'aide dans les délais, que je les contacte. C'est du sport de contact, c'est répète, c'est contract. Tu peux m'appeler gros crash, gros crack, coca, sosa. Je rentre pas dans leur quota. On vient pénétrer ton domicile. Au pied de biche au gros missile. C'est l'équipe des gros ici. Belle que j'officie. Viens pas jouer les OGC. 75 au domicile. C'est l'œil ouvert qu'on dort. Renoir, c'est le sang qui russe tous les ponts d'or. Bienvenue à Paris, fais péter tous les compteurs. Tous les jours, on s'entraîne à maîtriser nos peurs. Tu peux voir mes yep tous les recettes. Hein. Yeah. Tu peux voir mes yep à Paris. Tu peux voir mes yep à Marseille, à Lyon, à Orléans, dans toute la France. Le monde ne suffit pas, c'est dans les bacs. Tiens. Tu ne connais ma mie. Tu veux des dièses, mais le prix. Tu ne connais ma mie. Tu veux des dièses, mais le prix. Tu ne connais ma mie. Tu veux des dièses, mais le prix. Tu ne connais ma mie. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Rien. C'est la 7, 5, City, venu pour les plomber. Qu'est-ce qu'il peut faire? Le monde ne suffit pas, c'est dans les bacs. Esprit noir, négro. C'est la nocturne. Check. C'est la nocturne, Esprit Noir, au contrôle de la nocturne. Le monde ne suffit pas, c'est dans les bacs pour Esprit Noir et ce morceau. Qu'est-ce que tu peux faire? Oh ouais. C'est ce qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock. Ah, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est un morceau où j'ai invité une fille que je connais depuis longtemps, tu vois, qui rappe en anglais, qui s'appelle Lydia. Mm-hmm. Et elle m'a fait, tu vois, un petit passe-passe sur le refrain. Donc c'était la première fois que j'ai expérimenté un refrain comme ça avec une fille, tu vois. En passe-passe. Et alors? Ouais. T'es pas déçu, ça va? T'es content du résultat? Mais dans ton et alors, c'était un peu bizarre. Non, mais je me dis, non, c'est surtout toi, c'est est-ce que t'es content du résultat surtout? Ouais, non, je suis content du résultat. Et puis on l'a clippé, donc ça va arriver aussi dans les semaines qui arrivent, tu vois. Et ouais, je suis super content du résultat parce qu'il y a une bonne osmose sur ce refrain et à refaire, je dirais à refaire. On peut dire d'ailleurs un mot sur les invités, il y a Dr Beriz qui est ouais, présent dessus. Il y a Beriz, il y a. Dadju. Neige. Neige. My High, donc sur le morceau de la nuit qu'on a écouté tout à l'heure. Et il y a Blo DJ, tu vois, un mec d'Atlanta. Et Nekfeu. Le feu. Ouais. D'ailleurs, c'est un match aller-retour, on en a parlé tout à l'heure là, dans le Planète Rap. Exact. Puisque t'es aussi présent sur son album avec ouais. Mado, on le passera peut-être tout à l'heure ou je sais pas. Ouais, je suis chaud pour le passer. Bah, quand tu veux. De ouf. Tu veux qu'on reparte avec maintenant ou ouais, plus tard? On va repartir avec maintenant, direct. Eh bah, très bien, donc on va écouter ça, c'est un morceau donc, de l'album Feu de Nekfeu. Exactly what it is. Tu es venu. Tu maîtrises bien l'anglais, toi. Hein. Ah mon gars, t'étais surpris. Hein. Ça, tu maîtrises bien. T'as l'heure, tu m'as demandé dans Planète Rap si je parlais anglais. T'as l'air, j'ai fait timide un peu. C'est vrai, mais en fait, on est là. Je vois que tu maîtrises très très bien. que tu étais en cours d'anglais, toi, contrairement à des mecs comme moi. Tu m'en as bien parlé tout à l'heure, on t'a cramé. Ouais, à part dire « Hello, how are you ?» Non, c'était une vraie phrase quand même, hein, avec, tu vois, verbe, sujet, complément, tous les bails. Je te remercie, c'est sympa. Merci. Non, merci. Allez, ma dope. Yeah. Ça, c'est un morceau fou aussi, hein, celui-ci. Hein. Ouais, bah les gens, ils ont kiffé. Hein. Franchement, j'ai des bons retours dessus et ça fait plaisir. Parce que c'est un lourd album, hein, celui de Nekfeu. Nekfeu, vous là ? On profite de la journée jusqu'à ce qu'elle parte sur un gros son Delta. Ce qu'elle t'a ramène les tasses que t'as. On squatte quelque part, peut-être un skatepark. Hein. Je ne veux pas que l'on me porte. Je veux glisser dans ma ville sur un longboard. Accoutrement étrange, mes trous pour la coupe de trinquer. Vendre la verre, tu sous-estimes ces blancs. Tu prends des coups de truc dans ta mère. Tu t'entraînes sur des rampes jusqu'à ce que tu rampes. Tu rentres tard. Ça ne mène à rien selon tes rampes. Pendant ce temps-là, moi je suis foncé. Je pète ma cane comme un perroquet. Ma cane. T'inquiète, ma caille, l'hôpital m'accueille. Jamais de repos pour le phénomène Mike. Ils veulent me maquer, mais je mets le maquette. Prêt à foutre le bordel comme un Rolling Stone. Mes gars sont dans la place et tout le monde est stone. Ça c'est ma dope. Ça c'est ma dope, ton petit ami m'appelle mon bro. Ça c'est ma dope, amène ma bande, protège mon dos. Ça c'est ma dope, ma ville, mon clan, mon style, mon flow. Ça c'est ma dope, ton petit ami m'appelle mon bro. Ça c'est ma dope, amène ma bande, protège mon dos. Ça c'est ma dope, Edith Blackbird, mon clan, mon style, mon flow. Ça c'est ma dope. Bébé, j'ai 99 blèmes, je veux pas t'avoir sur le dos, je veux t'avoir sur le ventre. On investit des fortunes que l'on n'a pas, pourtant on est même pas sûr de vendre. J'laisse pas les radios formater mon boulot en autoprod, je ne suis jamais épuisé. Je fais pas mon son pour plaire à Laurent Bruno, mais c'est une victoire quand il est diffusé. Pour mes porteurs de Nikes, pour mes mangeurs de Nanchis, qui ne croient plus rien de ce qu'on leur dit, comme tous les jeunes nés dans les 90s. Si tu m'amènes de la taille, je vais te faire une prise d'aïkido. Qui donc béda vote en quoi? J'ai des kilos de white widow, widow, widow. Oui, j'ai de la weed, weed, dolon, dolon. Widow, on m'en demande. Moi c'est à vous de rouler, servez-vous la question d'honneur. Tu sors de là, après de là, de cerveau troué comme un donut, donut. Oui dog, oui j'ai de la, oui de dolon, dolon. Oui dog, on m'en demande en mode dollar, dollar, donnant, donnant. Ça c'est ma dope, ça c'est ma dope. Ma ville, mon clan, mon team, mon flow. Ça c'est ma dope. Yeah, feu c'est dans les bacs, allez chercher ça, c'est du lourd. Check. Mes gars sont dans la place et tout le monde est stone. Planète rap, 100% rap français. C'est pas le malin, le fou, bien le terroriste. Yeah, yeah. Esprit noir, mon frère, je suis pas de leur catégorie. Yeah, yeah. Flow, phase, métaphore, allégorie. Yeah, yeah. 00S. De wouh. Esprit noir négro, c'est dans la nocturne, le monde ne suffit pas. Check. Pour tous mes amateurs de ganja. Wouhou. MC t'es chaud, viens on se la donne, le temps d'un freestyle. Je te mets à poil comme s'il y avait du diage, bêtant ton cristal. Mon flow attire les petites tasses, efface les petites taches. C'est fougère d'aube sur mon étiquetage, toute mon équipe passe. De Paris à MTP, on finit game en MVP. On shoot à 3 points, switch. producteur décédé, ayant des potes décédés. Je fréquente rouleur d'OCB et arracheur de CB. 7-5, 7-5, protège ta mère et ta tête, zinc. Je suis tout droit sorti d'une arène, y'a personne qui m'arrête, surtout pas toutes tes merdes, zinc. Ancien découpeur de la même, venu pour te la mettre. On n'est pas de la même trempe, mais on n'est pas de la même mule, surtout pas de la même main. Je suis genre de type qui te met une trempe, ou bien une trempe en moins d'une trempe. Sur nos armes, on a plus le cran, on a plus de grand, on a plus le temps. Il est minuit, sort d'une garde, je fais mes lacets. Le PJ m'a menacé, mais au final m'a relaxé. Bitch, j'amène le son qui sort des blocs. 00S pour les potes. J'écris mes pros au boom des glocks. Et si ça marche pas, je retournerai bande de là. Deux. J'amène le son qui sort des blocs. 00S pour les potes. J'écris mes pros au boom des glocks. Et si ça marche pas, je retournerai bande de là. Authentique, on fait de la zig, un peu de dopage. Y'a de la liqueur, mais jamais de meuse, perd dans l'œsophage. Si v'là le flow de bâtard et pas des paftards. J'ai des refrains qui sortent du placard et d'autres de Dakar. Moi, j'suis à la barre du dracard, j'tombe comme un NASCAR. Sénégal, vous les gens arrêtent tracard, j'pose avec fracas. Même si tu veux me test, ramène tous tes chips. Du 1 au 11, j'épargnerai personne, d'une farce sur toute l'équipe. J'écris chaque strophe sur le rugissement de chaque crosse. Pour fouiller nos petites sacoches, va falloir que les flics s'accrochent. Un, faut qu'il pèse sa torche. Deux, faut pas qu'il parle mal. Trois, on est quatre et on est cap. Est-ce que tu captes, man? Ici, c'est Jamaïca. Queens Marie Monica, on peut te la mettre bonita. Sur un air d'harmonica, conscient qu'on peut être un de moins à chaque dîner. Ici, ça plante ou ça arrose, pourtant y'a pas trop de jardiniers. J'amène le son qui sort des blocs. 00S pour les potes. J'écris mes pros au boom des glocks. Et si ça marche pas, je retournerai bande de là. J'amène le son qui sort des blocs. 00S pour les fucks. Esprit noir négro, le monde ne suffit pas, c'est dans les packs. Retournerai bande de là. Check. C'est La Nocturne et c'est Esprit Noir au contrôle avec son projet, un double album, Le Monde ne suffit pas. Et on retrouve aussi un projet qui était sorti en digital, Licence Touquet, là. C'est ça, Licence Touquet. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, qui me demandaient, ouais, il est où le projet dans les bacs? Je le trouve pas à côté de chez moi. Tu sais, tout le monde n'a pas un contact, ah, ouais, ou quoi. Et donc, je me suis dit, bah voilà, autant mettre Licence Touquet, tu sais, dans le CD. Et même pour les gens qui me découvrent, tu vois, tout simplement, au moins, ils peuvent faire un retour en arrière sur ce que j'ai fait avant. Justement, ouais, tiens, c'est marrant là-dessus, sur ce que tu dis. Toi, tu te juges à quel niveau de ta carrière? Est-ce qu'il y a encore forcément beaucoup de gens qui vont te découvrir? Ouais, il y a beaucoup de gens que je dois encore attraper, tu vois. Je pense parce que pour l'instant, j'en suis qu'à mon premier projet dans les bacs, mon deuxième projet commercialisé, tu vois. Et l'étape suivante, c'est l'album. Donc pour l'album, en fait, c'est là où je dois vraiment attraper pas mal de gens. Donc ouais, j'en suis au tout début, hein, en vrai de vrai. Même donc, ouais, si ça fait longtemps qu'on se voit, Fred. Ça fait un petit moment, bah t'es venu avec Style Fresh, notamment, ouais, la nouvelle école. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis venu souvent avec Fresh, au moins 2-3 fois. Je suis venu aussi avec la section. Section, ouais, avec l'équipe du Watibé. Voilà, c'est ça. Je suis venu avec l'Institut. Donc ouais, ça fait longtemps qu'on... Même dans d'autres planètes rap, hein, les SADEC, les FAB. C'est vrai. Plein de planètes rap. Mais je dis ça pour tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est vrai que souvent on le voit avec des mecs qui rappent, et je peux comprendre aussi, beaucoup de gens veulent sortir très rapidement des projets, ouais, très vite, machin et tout. C'est ça. Mais t'en es la preuve que c'est un long parcours quand même. C'est un long parcours. Il faut, voilà, essayer de gratter le micro le plus possible. Ouais, c'est ça. Et puis après, il faut pas refaire son art aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, mon but, c'était pas de venir avec. Tu sais, moi, je me dis, mon premier album, ça sera peut-être le dernier. Tu vois ce que je veux dire? On sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. C'est vrai, t'as raison. Et je me dis, autant ne pas avoir de regrets et venir au max de mes capacités, tu vois ce que je veux dire. Donc là, le fait de voir plusieurs horizons, de travailler avec plusieurs personnes différentes, tu vois, et ben ça fait que vas-y, tu t'améliores, et je pense que là je suis mûr pour faire un album, tu vois. Donc là, l'album, c'est quoi plutôt? Tu le vois plutôt qu'en fin 2015, 2016? Ouais, 2016. On va arriver en... Ça va être sale. C'est bien, écoutez bien Esprit Noir, prenez votre temps tranquillement, travaillez aussi le terrain, faites des scènes. Bah, dernièrement, t'étais à Paris, là, à la Boule Noire. Ouais, j'étais à la Boule Noire mardi dernier. C'était mardi, ouais. Et c'était la folie, tu vois. J'invite même les gens à regarder le report de la Boule Noire. C'était la folie, c'était full. Et pour la première fois, j'ai pu rencontrer mon public, tu vois. Mon public, on va dire parisien, mais même, il y avait même des gens qui sont venus de la France, d'un peu partout. Et ouais, c'était une grosse ambiance, tu vois. T'as des dates encore qui arrivent? Ouais, j'ai pas mal de dates qui arrivent. Ça va arriver en octobre. J'invite les gens à regarder les réseaux sociaux, tu vois. Et on va arriver dans vos villes. très, très vite. Tenir au courant. Oui. Esprit Noir près de chez vous et Esprit Noir ce soir dans la nocturne. Oui. On reste sur la drogue, j'ai envie de dire, avec Cocaine Flow. Sur la dope, ouais. Après le morceau de dope qu'on écoutait à l'instant. Voilà. Le Cocaine Flow, ben, en fait, le Cocaine Flow, tu vois, c'est pas forcément l'apologie de la drogue, tu vois. Moi, je suis pas trop dans ça, même si je te raconte, même si ça fait partie de mon parcours, donc je t'en parle. Mais en fait, le Cocaine Flow, c'est, comment dire? Ça veut dire que en fait on a le flow addictif, tu vois ce que je veux dire? Et en même temps aux États-Unis, j'invite les gens à regarder le clip, je suis tout en blanc. Et aux États-Unis quand tu t'habilles tout en blanc, on dit que t'as le cocaine flow. Donc voilà. Et bon, on l'écoute maintenant ce morceau, c'est extrait du projet d'Esprit Noir qui est dans les bacs. Yeah, le monde ne suffit pas, c'est dans les bacs. Allez pécho ça. Fougère motherfucking do. NE dans le bâtiment. Check, check, check. On a le cocaine flow. Tu veux du vrai polo? Aime sur le polo. Garant de mes crimes, si j'y vais solo. Y'a que pour ma mère que ma foi, j'y vais mollo. On prend toutes les devises, les pesos, même les toros. Demande à Rita, plus j'en dope que des toros. Les personnes de ma team dans ce cha-cha-cha. On arrive blanc sur noir, contre le caca-ca. On a le cocaine. Cocaine flow. Conçu pour du cash, pour du pèse, pour du gros. C'est fougère dans la basse, mec, nous t'es qui ose. On a la meilleure frappe, hey, everybody knows. Tu cherchais le meilleur kicker, tu t'es pas trompé. J'ai voulu tremper dans la drogue, mais je suis pas tombé. Nous on bosse à plat, en clinquant, pas. Pensez pas arriver à mon pote, loin de Saint-Tropez. J'appelle tous les petits du tchèque, ça fait les vrais compètes. C'est la pape d'Amsterdam, le soir à ta compète. Nul en mathématiques, mais on sait bien compter. On a forniqué des femmes, mais pas les bien compter. Shout-out à mes ex, prends ma qu'on les pisse. Peu importe la chatte, mec, les règles on les fixe. Je te le dis texto, recto, verso. Tu veux tu poses mes lettres, mon ami, pose ton chiffre. On a le cocaine flow. Tu veux du vrai polo. Haine sur le polo. Garant de mes crimes, si j'y vais solo. Y'a que pour ma mère que ma foi, j'y vais mollo. On prend toutes les devises, les pesos, même les toros. Demande à Rita, plus j'en dope que des toros. Et personne de ma team dans ce cha-cha-cha. On arrive blanc sur noir, fuck le caca-ca. On a les rues qui faisaient qui t'éclatent le bosseur. On traite avec les Russes, les Kazakhs et les faussaires. On a le don d'ouvrir nos grands quand tu fausses. On rate depuis un temps que rafale de l'hélicoptère. Paris en tracé quand tu vas le blanc, je monte un solo. Garant de mes crimes, si j'y vais solo. Mon frère, y'a pas de trône ici. Arrête tes conneries, paye nous cash, paye nous gros. Envoie les PC tasses, envoie les Louis là. On va te laisser des marches, te parle pas d'hier. J'ai des plans de Casablanca jusqu'à l'IA. Je vais compter mes problèmes pour pouvoir m'y Monsieur l'agent, ta mère, nous a blue friendly. Arrange ta tête de là, ici y'a pas de cesse. On a les connexions, on a les access. Prends ta dose, mon frère, on a le cocaine flow. On a le cocaine flow. Tu veux du vrai polo. Haine sur le polo. Garant de mes crimes, si j'y vais solo. Y'a que pour ma mère que ma foi, j'y vais mollo. On prend toutes les devises, les pesos, même les toros. Demande à Rita, plus j'en dope que des toros. Et personne de ma team dans ce cha-cha-cha. On arrive blanc sur noir, fuck le caca-ca. On a le cocaine flow. Le monde ne suffit pas, c'est dans les putains de bacs. Allez chercher ça, c'est un double CD. Y a au moins une heure et demie de son. C'est Esprit Noir Négro dans la nocturne. Avec mon gars sur Fred. Yeah! N.E. My 100% rap français. Planète. La nocturne. I know you'll flush me down the drain. Yeah, yeah, yeah, yeah. Si vous allez en boîte, ce son va vous mettre bien. Featuring Blo DJ, mon gars d'attente là. Check. DJ Bon, de Dakar ou une meuf du Bosphore planquée dans un roster, plantée devant un drugstore.

mec, en de plus, l'histoire. T'as vu, c'est d'actualité. Et moi, je me suis dit, bah, vas-y, on va, voilà, c'est moi. Voilà. C'est toi. C'est ici que ça se passe. Voilà, le temps de deux EP, ben voilà, c'est moi le premier James Bond noir. Esprit noir avec nous, on repart sur quoi, Esprit? Sur quoi? Sur Licence to Kill, sur ouais, Licence to Kill, on va continuer dans la fiesta, tu vois, pour les gens qui vont en soirée justement, et on va mettre un son qui était sur le premier EP et qui est le titre éponyme Licence to Kill. Licence to Kill qu'on va écouter maintenant, voilà. C'est extrait du projet d'Esprit Noir qui est dans les bacs. Yeah yeah yeah, allez chercher ça. Belek, what up? On en fait des billes, prends tes pas. J'aime agir, pas les pas. Écoute le scud, prends des baffes. Tu veux le sbeul, prends mes gars. En 2-4-6 et contre 3-5-7. Drive by speed dans une 407. Mon son résonne, donne jusqu'à 7. Dans 5 piges, je ferai pas en vos têtes. Si ça taffe dur, y'a de la pure. Y'a de la com, y'a de la bonne. Genre l'album, que si t'achètes. Et genre ma beat, que si t'es bonne. J'suis pas chinois, mais j'bosse à la chaîne. J'suis pas en chien, mais y'a v'là la chienne. Et ça broquille, j'ai pas ça, ça sème. Chantier un signe, que c'est pas t'arsène. Alcool de base, joint de bœuf. J'reviendrai si tu me loupes de peu. Parait que t'es le meilleur. Laisse-moi rire, moi j'en doute un peu. Ha ha ha, on est sur le terrain. Si tu payes pas, graffite sur terrain. À part la mort et ta chute de rein. Moi baby, bah j'suis sûr de rien. J'suis à l'hôtel, 2-3 tels. Shit gratte, 2 feuilles marocain filtre. Je n'ai confiance en aucun flic. Je sors perdant sur aucun feat. Sors le picard et l'ammoniaque. DJ Belek, fais craque mon frère. On laisse la peufra du matosphère. Fais place au meilleur de la stratosphère. Tu nous vois poser. Es-tu capable de nous arroser? Tu nous vois repous. On est capable d'aller lécher coups. Donc reste mignon Tu nous connais. Yeah, esprit noir négro, c'est la nocturne. Tu nous connais. C'est le monde ne suffit pas. Tu nous connais. Dans les packs. Yeah. Tu nous connais. Tu nous connais. Si ça foire, n'oublie pas. Tu nous Fuck le kékéké, c'est un plan, 10 000 balles, j'suis au kékéké. J'vais pour doubler score, j'ai flow coupé sport. Le rap massif, j'viens pour shooter le corps. Licence to kill, 4 grammes 4, licence to deal. 3-4 taf dans un 4-4 black, sous un 3 quarts noir, j'ai la puissance de tir. C'est esprit, lusty, N-O-I-R. C'est motherfucking faux MC flair. J'ai le rhum d'anti-A et le flow NBA. Wesh renoir, si j'suis là, put your hands in the air. A Panam, Yassada, Kachin, Shish Kebab sont les produits inhalés. Tu peux trouver mes gars sur un plan, sur une blonde, sur un quad ou une Harley. Sans carte ou sans banque, tous nos règlements de compte s'effectuent dans une allée. Une bouteille de champagne, un contrat 5-0 et on t'aimera pour parler. Esprit N-O-I-R. Tous ces motherfucking pour MC flair. J'vérifie en effet. Vérifie, on est frais. Wesh renois, si j'suis là. Put your hands in the air. Es-tu capable de nous arroser? Nous voir repos. On est capable d'aller lécher coups. Donc reste mignon Tu nous connais, tu nous connais pas. Tu nous connais, tu nous connais pas. Tu nous connais, tu nous connais pas. Si ça foire, n'oublie pas, tu nous connais pas. Yeah yeah, esprit noir négro, c'est la nocturne. Le monde ne suffit pas, et dans les bacs, double CD. Une heure et demie de son. Va chercher ça. 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. Hey yo yo yo. Oh, oh, oh, oh. Comme dirait mon gars Black M. Black M, what up? Mes yeux plus gros que le monde. Tu peux trouver ça aussi dans le CD. Check. Me demande pas où est mon esprit. Le cœur noirci peut-être à cause d'une lesbie. J'approche de la trentaine, faut que je passe l'oseille vite. J'ai l'impression que je suis en train de tomber dans le vide. Et j'ai des envies de tout vouloir, de tout vouloir, quoi faire flipper Deep Set. J'perra depuis que j'ai 17, appelle-moi prototype Z. Faut qu'on s'éloigne de la piste, Ray. Qu'on touche un salaire fixe, net. J'côtoie des dealers fixes, mec. Je saoule le soir les flics, mec. Cousin, sa patate dure, la dope en taux de catapulte. T'enfoiré que Frog dit à ta pute qu'on a atteint la taille adulte. Y'a pas d'héros, très peu d'euros, du coup t'es pas le pleuve. À la rentrée, on avait pas toujours une paire de Nike 9. Nique l'argent et l'or, on veut l'argent et l'or. Les pistons, on a poussé sans qu'un père nous appelle fiston. Si t'es pas prêt, négro reste sur le pas côté. En bref, cesse de radoter, respecte les gars côté. Du crack des armes, on casse les armes, une balle d'humeur, ouais. C'est Paris Est, un faux semblant de Baltimore, ouais. Soldat parisien du côté East. Fuck you nigga, me demande pas où est mon esprit. Le cœur noirci peut-être à cause d'une lesbite. J'approche de la trentaine, faut que je passe l'oseille vite. J'ai l'impression que je suis en train de tomber dans le vide. Et j'ai des envies de tout vouloir, de tout vouloir, de tout vouloir tout de suite. Je suis dans un trou noir, un trou noir, un trou noir. Ma vie, j'ai des envies de tout vouloir, de tout vouloir, de tout vouloir tout de suite. Je suis dans un trou noir, un trou noir, un trou noir. Ma vie. Je plonge dans ma réalité, absence de thune d'humanité, précarité, vulgarité, longtemps qu'on met plus de marité. Le tosma est de qualité, les types demandent calibrer, très peu d'entre eux sont qualifiés, les trois quarts peut-être même calibrés. Pas de situation clarifiée, chez moi y'a pas d'égalité, c'est toujours avec peur de carité. De plus l'amour est arrivé, les passages dans la cavité, les hommes défient la gravité, les femmes demandent la parité, les schlacks demandent la charité. Ah. Peu m'importe, man, d'être starifié. On a fourgué du seum et fait du sale. Pas venu en France pour être oscarisé. Depuis que le jour de gloire est arrivé, l'Afrique a la proscarifiée. Le shit te parle en pied ou en plaquette. Quand ta daronne compte ses pièces pour assembler le prix d'une baguette. Constate les parts en scène, des chances t'en as pas 47. Vu que Dakar a des 47, ça shoot dans la 47. Me demande pas où est mon esprit. Le cœur noirci peut-être à cause d'une lesbite. J'approche de la trentaine, faut que je passe l'oseille vite. J'ai l'impression que je suis en train de tomber dans le vide. Et j'ai des envies de tout vouloir, de tout vouloir, de tout vouloir tout de suite. Je suis dans un trou noir, un trou noir, un trou noir. Ma vie, j'ai des envies de tout vouloir, de tout vouloir, de tout vouloir tout de suite. Je suis dans un trou noir, un trou noir, un trou noir. Ma vie. Ne demande pas où est mon esprit. Le cœur noir si peut-être à cause du lesbite. Yeah, esprit noir négro. Featuring Black M. J'ai l'impression que je suis en train l'homme de dans le vide. Aux 500 000 CD vendus. Vouloir, de tout vouloir, de tout vouloir tout de suite. Je suis dans un trou noir, un trou noir, un trou noir. Ma vie, j'ai envie de tout vouloir, de tout vouloir, de tout vouloir tout de suite. Je suis dans un trou noir, un trou noir, un trou noir. Ma vie. À l'instant, c'est un extrait donc de Licence To Kill, mais qu'on retrouve sur Le Monde Ne Suffit Pas, puisque c'est un double album de Esprit Noir, avec en effet Black M, l'homme aux 500 000 albums. Ouais, mec, putain, c'est un truc de ouf. C'est beau quand même, ça fait plaisir. Ouais, je suis fier du négro. Tout ça, tu connais depuis très longtemps. Depuis un moment, tu vois, je suis fier du négro. Je suis vraiment fier du négro parce qu'il a, il a beaucoup taffé. Il s'est bien pris la tête sur son truc. Et puis, tu sais, c'était pas donné, hein. Tu vois. Ah, c'était. Tu connais, il y a. C'est jamais gagné, hein. Voilà, c'était pas gagné. Il y avait Gims avant. Tout ça, tu vois, il avait une certaine pression sur ses épaules. Et le mec, au final, il s'en est super bien sorti. Il tourne dans toute la France. Et voilà, tu vois, je suis parti en showcase avec lui. Monsieur Rurui, lui-même, il sait. Et vas-y, c'est lourd, c'est vraiment lourd, tu vois. D'ailleurs, là, vous pouvez retrouver l'Olympia aussi en CD DVD ouais, qui vient c'est sortir. C'est sorti. Donc, j'invite les gens aussi à aller pêcher son album pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, ceux qui sont qui habitent sur Pluton ou je ne sais où. Et je les invite aussi à pêcher le CD de l'Olympia parce que le mec, c'est une bête sur scène, tu vois. Et c'est ça qu'il faut préciser, c'est qu'en effet, il continue à tourner là un peu partout dans toute la France, mais ouais. Vous allez assister à un vrai show, c'est-à-dire que tu passes un moment, ça défile. Exactement. Il y a de la mise en scène, il y a de la chorégraphie, il y a de la danse, il y a des musiciens. Exactement. Donc c'est vraiment, vraiment un gros, gros show. Et j'invite vraiment les gens à aller pêcher ce CD de l'Olympia. Toi, c'est un truc que tu imagines aussi pas mal, la scène, Esprit. Ouais, moi, fais un peu, mais est-ce que t'as une vision aussi de ce que t'aimerais faire sur scène? Ouf. Tu sais quoi, moi, j'aimerais bien, j'en parlais avec mon tourneur, j'aimerais bien reconstituer le quartier. Sur scène, tu vois, reconstituer le quartier. C'est le 20e, hein. Ouais, voilà, Fougère. C'est ça. C'est Fougère dans le 20e. Et j'aimerais bien reconstituer, tu sais, c'est des briques rouges, tout ça, un peu comme à New York et tout. Et j'aimerais bien reconstituer le quartier et carrément qu'il y ait des scènes d'action dans le quartier pendant le concert, tu vois. Et c'est ce que j'aimerais faire. Bon, dévoile pas ton concert. Non, mais Fred, en fait, je te connais tellement bien que voilà, tu vois, j'ai. Mais ça donne envie en tout cas. Ouais, voilà. Et bientôt, bientôt, Inch'Allah. Bientôt, et puis il y a l'album aussi qui est en préparation. Hein, ouais, l'album, vraiment, c'est le point culminant du truc. Donc, tu vois, ça va être les prochains mois, ça va être que pour l'album là. Ouais, là, ça va être que pour l'album. J'ai commencé à taffer déjà. Et puis en plus, l'album, je vais le réaliser avec pas mal de gens qui sont vraiment forts, tu vois. Donc je suis vraiment pressé, tu vois. Bon, Esprit, on part sur une dernière session. Deux morceaux avant de se dire au revoir pour ce soir. Ouais, putain, c'est déjà fini. Ça va vite, hein. Ça va vite de ouf, ça va vite de ouf. Bah écoute, j'aimerais mettre un morceau qui s'appelle 60G. C'est l'intro de Du Monde Ne Suffit Pas, tu vois. Et c'est la première fois que je m'adonne à cette discipline, c'est-à-dire de rapper sans refrain, tu vois. Donc voilà, c'était la première fois et je trouve que c'est réussi, ouais. Ça donnait du plaisir et tout, même voilà, l'exercice en lui-même. Ouais, ça m'a fait kiffer. J'ai kiffé, franchement, j'ai kiffé rapper sans m'arrêter, en fait. Allez, ça dure 3 minutes, profitez. Yeah, yeah. Je viens de là où on a du mal à respirer. Le taux de chômage nous coupe le souffle et les yaourts ont expiré. Je te parle de tout, des galères et des frigos, du clochard du coin de la rue ou du crochet de Luis Figo. Et j'oublie pas nos mères qui jouent les gladiateurs, qui taffent dur pour amener de quoi faire chauffer les radiateurs. Une pensée pour la mienne, sans elle mon frère je tombe. Hier inconscient j'ai claqué le loyer dans une paire de pompes. Je l'ai claqué dans une taille et en enfer je vais peut-être retirer. Comme les poulets qui m'ont dit plus facile d'entrer en tôle que d'en sortir. Parmi mes straps combien ont mangé la gamelle. Elle est loin l'époque des chrooms qui se font courser par Gargamel. Ça sent la tôle pourtant le plafond vaut de l'or. On a tellement traîné dehors que le froid nous est indolore. Vrai. Je réfléchis trop c'est pour ça que j'ai tué mes ongles. Je vais des CV et des CD en attendant tuer les ondes. Mais je veux pas tuer l'avenir de mon futur fils de 3 ans. Alors je pour qu'il ne manque ni de lait ni de croissant. Je suis technique sur le terrain, joue à l'espagnol. Ayep ou en gros espagnol, j'emmerde les Willy Sagnol. Esprit c'est WAM, ouais je suis prêt sur la cover. J'ai pas le temps de faire le lover, je veux mes soeurs dans la rover. Et j'ai appris que parmi mes potes j'avais des mythos qui peuvent virer une nuit pour du genre ou bien des clitos. Pour la gloire, la haine ou la jalousie. Condamné à survivre, est-ce que c'est ça nos vies? La ligne 3, la ligne 4, le RERB. Le boulot, la bicrap et la PRB. Y'a pas photo, ce sont les beaux clichés que négatifs. On n'a pas de pellicule, mais sous nos crânes c'est négatif. L'amour rentre aveugle, c'est pour ça que la France nous voit pas. Vrai. Crois pas que ton fils est un youvoi à part. Même si comme toi, il s'est mis dans quelques magouilles. Qu'il traîne en bas avec des types qui l'appellent magouille. Papa, je me tape pour que tu passes la porte du château. En chemise Dior, Borsalino, la paire de smalto. J'suis un sec, j'suis un chacan, j'suis un Mendy. J'suis un Graillon, j'suis un 20. Et Christophe sur Azerty. J'veux le sol de HNT. Uni, on pourra toucher Saturne. Si t'es mon pote que t'as besoin de moi, je ferai pas de facture. On en a traversé des trucs, on en a bavé. On en a viscère dégus, on en a baffé. Mais je t'assure, moi, je n'ai rien d'un violent. Affolant le nombre de jeunes qui meurent la tête sur pare-brise. Ouais, violent. J'fais plus de bif sur la plaquette parce que le sang est collant. T'avises, pas de nous test à la radio. Ou c'est pas ta pédagogique à la CDO. On rentre tard. À l'heure du premier métro, en cas de bagarre de saloon, on prend les premiers métaux. En slalom, on s'allume sous la lune, ça sent la poutre. Paris, ça prend plus des lignes, mon pote, ça prend des poutres. Sur la retraite, on s'assoit. La dette de l'Afrique s'accroît. Ils ont peur de l'appel de Dieu, de l'appel à la Mecque. Vivre, c'est se laisser mourir, calcule le paramètre. On est des brutes qui parlent en net. On se laissera plus contrôler par un maître. Plus jamais, mon pote. Esprit noir, négro. Le monde ne suffit pas. C'est dans les bacs. Double CD. 100% rap français. Yeah. Planète rap. La nocturne. Yeah, yeah, yeah, yeah. Et j'entends My High. Si je pense qu'à mes sauces, à faire du cash en été, à traîner tard dans des halls, on voulait tous faire du play. En vrai, je me faisais du play, la rue me faisait du pied. À l'école, je suis dissipé, même si ma mère m'a bien éduqué. Moi, je rêve de foot et de cross, je réponds mal à mes profs. Mes appréciations sont bonnes, du coup, je me mangeais des pas. Maman me disait, tu sais, que si t'es absent en classe, tu finiras dans la rue à compter les gens qui passent. Je veux pas que la police toque ici, sinon je t'arrache la peau. Mais moi je me crois vif, j'anticipe, je suis en pleine crise d'ado. Fini les claques et les cris, maman me prendra mes clés. Ce soir je dors sur palier, parce qu'à la barre, rien dans les poches, je voulais voler. Maman me disait non, non. Elle me disait non, non. Petit va à l'école pour décoller. Moi je disais non, non. Je disais non, non. Là-bas c'est rempli d'ennemis. Je disais non, non. Je disais non, non. J'ai grandi maintenant. Fais-moi confiance, j'ai un plan. Je vais faire du cash. Et je me suis mis à taffer juste pour éviter la crise. Mais l'illégal est un souffle dont je ne peux éviter la prise. Et je me rends compte que c'est dur, que la vie est un choix, qu'une amitié se prise et qu'une garde à vue dure un soir. Parfois je doute et picole, simplement pour oublier. Comment faire pour oublier? Ma mère se doute de mes bricoles au détriment de mon père. Moi c'est la nuit que j'opère, pour acheter je me dois de vendre. La police viendra me prendre, maman a sûrement raison. Je me le dis au fil des saisons, parfois je regrette l'école. Le lendemain je décolle, lâche de planter mes négrés. L'erreur nourrit mes regrets, je dirai donc à mon fils que à la base, rien dans les poches, je voulais voler. Maman me disait non, non. Elle me disait non, non. Petit va à l'école pour décoller. Je disais non, non. Je disais non, non. Là-bas c'est rempli d'ennemis. Je disais non, non. Je disais non, non. J'ai grandi maintenant. Fais-moi confiance, j'ai un rapport. Rien dans les poches, je voulais voler. Maman me disait non, non. Elle me disait non, non. Petit va I'm so Biggie Joe, what up? English, what up? Je disais non. La base est remplie de je disais style non. Style fresh, what up? Je disais non, non. J'ai grandi maintenant. Fais-moi confiance, j'ai un plan. La Nocturne avec Esprit Noir et ce morceau donc qui s'appelle La Nuit. La Nuit, ouais. Voilà, gros morceau aussi de ce projet. Ouais, je l'affectionne particulièrement. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un morceau qu'on a taffé à plusieurs, tu vois. Certes, j'ai tout écrit, mais on l'a vraiment taffé à plusieurs. Tu sais, Fresh, il a taffé avec moi l'intro, avec la fille qui s'appelle My High. Mr. Franklish, on a taffé le refrain. Il y a deux compositeurs sur le morceau, Biggie Joe qui est chez Nouvelle École et Amso. Donc c'est vraiment un morceau que t'as fait à plusieurs et c'est ça qui me fait kiffer en fait. Et parce que t'as la patte de tout le monde dedans. Et ça se ressent, de toute façon il y a un truc qui se passe autour de ce morceau. Et je voulais aussi te demander des nouvelles, comme tu l'évoques, de Style Fresh, mais du label aussi, Nouvelle Époque. Nouvelle Époque. Ça viendra peut-être par la suite, mais Nouvelle École déjà. Bah écoute, Fresh il est là, il a sorti, tu sais, il avait fait une série de fraîcheur à l'époque. Donc là il a repris, il a fait la fraîcheur 15, la fraîcheur 16, la fraîcheur 17. Et à la rentrée, il va sortir un projet. Donc un projet qui sera gratuit, que les gens pourront pécho. Et donc voilà, il est en pleine forme le mec, il fait des sons super lourds. Après t'as aussi Quincy qui prépare une autre mixtape. T'as Neige aussi qui va arriver vraiment sale, tu vois. Neige que tu peux retrouver sur mes deux projets. Sur les deux projets, ouais. Ouais, qui a vraiment une voix exceptionnelle. Et puis ouais, t'as une mixtape aussi qui va arriver, NE2. Qui va arriver donc avec toute la Nouvelle École. On s'est réunis, on a fait plusieurs sons. Donc voilà quoi. Et puis t'as le clip de la nuit aussi qui arrive mercredi. C'est quand mercredi? Ça arrive mercredi. J'invite vraiment les gens à se connecter sur les réseaux ou sur les sites internet pour regarder ce clip, parce que c'est un gros clip. Et allez suivre Esprit Noir, parce que je pense qu'il nous réserve encore des belles surprises là, dans les mois et dans les années à venir. Voilà, c'est ça. 2016, ce sera donc le premier album officiel. Officiellement, ouais. J'espère que je viendrai te voir journée. Mais j'espère qu'on fera un Planète Rap surtout. Voilà, pour une certaine émission qui s'appelle Planète Rap, j'espère que je viendrai te voir la journée. Mais c'est bien, d'ici là, on va trop croiser, t'étais là encore ce soir avec Nekfeu. Ouais. Et puis plein de bonnes choses pour la suite. Merci Esprit d'être passé. Merci à toi Fred, merci. Petit dernier message, petite dernière dédicace, vas-y. Dernier message aux auditeurs. Voilà, ceux qui apprécient le hip-hop dans toute sa splendeur, allez pécho, le monde ne suffit pas, c'est dans les packs, c'est un double CD. Et c'est du un prix donné, j'ai envie de dire. Un prix dérisoire. Dérisoire, les mecs. Mais c'est, franchement, mais... pour un double album, t'as quoi? T'as une heure et demie de son. Une heure et demie de son complète. Et puis voilà, ça vaut même pas un grec, le truc. C'est bien de temps en temps. Pas tout le temps aller chez le grec, quoi. Ouais, voilà, t'as acheté un album, moins ça reste en plus. Voilà, ça reste. Et puis en plus, on peut l'écouter en famille, le Quetru. Merci d'être passé, en tout cas, Esprit Noir. Ouais, et je voulais faire une dernière dédicace à mes gars Soso, à mon gars Rod et à mon gars Baleine aussi. Une grosse force à Baleine et à Diesel aussi. Voilà. Merci à toi, Esprit Noir, d'avoir été avec nous. Toi. Le projet dans les bacs et la nocturne continue. Ciao. Yes. 100% rap français, Planète Rap. La nocturne. Alors on est reparti pour une nouvelle heure de son 100% rap français avec Nekfeu qui nous a fait un Planète Rap incroyable. Toutes les vidéos sur le skyrock.fm. L'album une tuerie, on en écoute un extrait. C'est l'ouverture de l'album. Martin Eden maintenant dans la nocturne. Tour de Ken Master, Ken Shin, Ken Taro, Ken ta sœur. On veut tous se mettre bien, rien ne sert de nier. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Ça c'est pour les miens, nos destins sont liés. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier. C'est sur la scène que les premières lueurs du matin déteignent. L'humanité meurt depuis qu'on a quitté le jardin d'Éden. On a le rêve dans le cœur, le cauchemar dans les veines. Plus je monte et plus je m'identifie à Martin Eden. Moi je suis un Babtou à part, je vois plein de Babtou pompeux. Mais sache que les Babtou comme moi n'aiment pas les Babtou comme eux. Surtout quand les Babtou ont peur, tout le monde m'invite dans les plans. Fils de pute, bien sûr que c'est plus facile pour toi quand t'es blanc. Les riches font partie des plus radins dans cet empire de piranha. Parfois je reconnais même plus ma patrie comme mon pote iranien. T'oublies tout élément, tu rap un rap. J'ai te mentir un peu du genre, si jamais je m'espagne et du premier coup tout ira bien. J'ai jamais été gratte à rien quand tu taffes peu. Il me faut un casque intégral, je vais braquer l'industrie comme les Daft Punk. Mais transformé en F dollar le S du S tout. Ouais, ça c'est pour les miens, nos destins sont liés. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. On veut se mettre bien, rien ne sert de nier. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier, yeah, yeah. Je devais bicraft cette bœuf, mais je m'allume un bédo puis de piano. Et j'oublie tout sur cette putain de mélodie de piano. Je pense à ce garçon si fier, un jour ses soucis s'intensifièrent. Dire qu'on s'est hier, aujourd'hui il survit sur une civière. Subir un traumatisme et te remettre à moitié entre médicaments et cam. Autrement dit, la trame est dramatique. Mais pour faire la fête, pas besoin de mettre en fait. Amine, en fait, t'es fait, frère. Mais maintenant, fait ta vie, je mets la nitro. Je ne vois ni trompette ni trop belle. Je fume de l'hydro, bonique, je bois de l'hydro. Mais on embarque tout l'équipage où le bateau ne part pas. Si tu parles de ceux qui parlent, fais pas croire que tu parles pas. J'ai vomi dans la benzo de mon homie Kezo. Nouveau hoodie Kenzo, c'est comme ça que Kenzone. Je me téléporte dans la Batcave, j'aime pas les bords mais pas que. Bla bla bla bla bla ta gueule, j'ai claqué les portes comme un bac. Ceux qui n'aiment pas le petit grec seront en run. Je m'en tape tant que mes tigresses ronronnent. Mes ennemis sont en bad, vu qu'ils sont en bas de l'échelle. Et je me fais lécher par les modèles d'Obada. Rien ne sert de nier, y'a pas meilleur que New York. Connecté aux piliers de LA jusqu'à que New York. Voyage en avion, on a pris un billet. On a fait le show et on a pris un billet. Ah, ça c'est pour les miens, nos destins sont liés. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. On veut se mettre bien, rien ne sert de nier. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier. Nekfeu, on le retrouve avec Sneezy maintenant. Ya connaissez la pandilla, Super Sound. Los verdaderos socios en este juego. Quand je suis dans le club, c'est juste pour faire du bénéf. Je prends du cachet, je rentre pas seul. Elle sait pas qui je suis, elle sait juste que je suis célèbre. Je prends des rafales de flash dans la gueule. Quand je suis dans le club, c'est juste pour faire du bénéf. Je prends du cachet, je rentre pas seul. Elle sait pas qui je suis, elle sait juste que je suis célèbre. Je prends des rafales de flash dans la gueule. Coup de clé à molette, si le bouc est malhonnête. Dites surtout pas que vous sucez pas, vous avez déjà tous goûté à nos verges. Ces bâtards essaient de plomber mon moral. Et ça me fout la haine de les entendre. J'essaie de rester focus sur mon travail pour mettre à l'abri ma mère et la future mère de mes enfants. Y'a que si t'es bourgeois que tu débutes à la pure. C'est devenu un peu trop vite à la mode. Chez nous on était tous éduqués à la dure. On ramène jamais la police à sa daronne. J'ai fait mon premier billet avec le rap, faudrait me féliciter. Chez nous y'avait pas d'argent de poche, Quand ma mère n'avait même plus un rond pour payer l'électricité. Dieu merci il restait la lampe torche, Je fais du bif donc ils disent que je tapine. Tout le monde me disait Robeux arrête le rap ça paye pas. J'ai pas besoin de faire le triple disque de platine. À 25 ans j'aurai de quoi me payer la Maybach. On s'en tape, on s'en tape. On pense au lendemain vu que l'avenir n'attend pas. On s'en tape, on s'en tape. On ne peut que monter vu qu'on est venu d'en bas. La concurrence dans le déni, je ne les entends pas. J'ai l'impression qu'on est béni. Je prie le ciel pour que le vice me tombe pas. On s'en tape, on s'en tape. On pense au lendemain vu que l'avenir n'attend pas. On s'en tape, on s'en tape. On ne peut que monter vu qu'on est venu d'en bas. Venez pas jouer, j'ai le sang chaud, vous faites trop d'erreurs. Je disais que ton rappeur préféré m'écoute et saigne du nez. Je suis pas doué pour grand chose d'après mes professeurs au lycée. Je suis d'accord avec eux, je ne sais faire que du blé. Cette époque me rappelle qu'on est cop de la merde. Y'a plus d'amitié, on oublie tous les potes de la veille. Et j'ai mon propre label dans lequel j'investis mon genre pendant qu'il se joue avec toutes les drogues de la terre. Pense qu'à la madré, pas le temps de me pavaner. J'arrêterai peut-être quand elle aura plus vraiment besoin de travailler. Ils ont écouté mon album et veulent me voir mourir avant. Y'a beaucoup de rappeurs que je risque d'humilier. Ils me demandent tous pourquoi je souris rarement. Parce qu'il y a rien de plus triste que ce milieu. Je vais rapper d'une nouvelle manière et je sais que tu vas m'imiter. On va les faire taire à coups de pompe, On en a rien à battre de ne pas faire l'unanimité. On ne veut pas plaire à tout le monde. On s'en tape, on s'en tape. On pense au lendemain vu que l'avenir n'attend pas. On s'en tape, on s'en tape. On ne peut que monter vu qu'on est venu d'en bas. La concurrence dans le déni, je ne les entends pas. Est-ce que j'ai commis des délits? Tu diras non si jamais on t'en parle. J'ai l'impression qu'on est béni. Je prie le ciel pour que le vice me tombe pas. On s'en tape, on s'en tape. On ne peut que monter vu qu'on est venu d'en bas. Je commence à prendre conscience que tous les petits nous prennent pour exemple. Il faudrait pas que je me censure. Y'a rien de G dans le rap, on est bon qu'à faire couler l'encre. Faites-le-moi sentir si je ne me sens plus. Je vois tous ces bolos, je vais les éduquer. Et avec tous mes gabas, on médite sur ces mecs. Je reçois des milliers de photos de filles dénudées. Avec mon blaze écrit sur les fesses. On ramène de nouveaux codes. On ramène de nouveaux codes. On ramène de nouveaux codes, bande de bâtards, on sera jamais sous vos ordres. Salope, si tu trahis mon équipe, fais quand même une dernière prière au cas où j'ai de la pitié. Je porte un glaive, c'est de la tuerie quand je sors un texte. Je fais de la musique comme un chef et le caillou est de qualité. Je fais pas du son que pour faire de la thune. Tu vas rager mes chèques, tu vas kiffer grave. Rebeu, t'as beau faire le mec de la hure. Sache que dans ton équipe, y'en a pas un qui fait raf. Quand je suis dans le club, c'est juste pour faire du bénéf. Je prends du cachet, je rentre pas seul. Elle sait pas qui je suis, elle sait juste que je suis célèbre. Je prends des rafales de flash dans la gueule. Quand je suis dans le club, c'est juste pour faire du bénéf. Je prends du caché, je rentre pas seul. Elle sait pas qui je suis, elle sait juste que je suis célèbre. Je prends des rafales de flash dans la gueule. Super sound SNZ UDNC. On pense au lendemain vu que l'avenir n'attend pas. On ne peut que monter vu qu'on est venu d'en bas. On s'en tape, on s'en tape. On pense au lendemain vu que l'avenir n'attend pas. On s'en tape, on s'en tape. On ne peut que monter vu qu'on est venu d'en bas. La concurrence dans le déni. J'ai l'impression qu'on est béni. On s'en tape, ah, on s'en tape. J'ai dit on s'en tape, ah, on s'en tape. Quand je suis dans le club, c'est juste pour faire du bénéf. Hein? Juste pour faire du bénéf. Elle sait pas qui je suis, elle sait juste que je suis célèbre. Hein? Hein? Elle sait juste que je suis célèbre. Et quand je suis dans le club, c'est juste pour faire du bénéf. SNZ. Elle sait pas qui je suis, elle sait juste que je suis célèbre. Je prends du cachet, je rentre pas seul, non. Je prends des rafales de flash dans la gueule. SNZ. Super simple. Nekfeu. UDNC, Mighty Fire Bomb, Panam South. On s'en tape. Sur l'album de Sneezy Super avec Nekfeu. Dans la nocturne 100% rap français, il y a le nouveau Niro qui arrive dans un instant. La Crime avec Gradure à écouter aussi, ça arrive sur Skyrock. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux sons. Niska aussi, il est prévu dans la nocturne. Au message, vous balancez 41759, le hashtag La Nocturne, le hashtag Skyrock. Français 100% explicite lyrics. La Nocturne. Nouveau Fababi qui arrive aussi dans un instant. Plein de nouveautés, tous vos messages continuent à balancer. Bombardez, bombardez. Faire une odée, il faut de l'euro. Mon robe des robes, on tarte là au voilé. Le monde est petit pour que tu vois tout. Nos musiques et nos drogues sont partout. On a pas le time, if you need the love, my nigga, the nigga. Il faut avoir des couilles pour le faire. Il marche avec un revolver. Mon frère, si t'as le cœur froid, t'iras bronzer en enfer. Du 11-43 pour tes coris. On a des disques d'or, t'es tout pourri. On a tout pris, il te reste plus. Sur un touriste, jamais fatigué. On chalume, on ne parle pas de briquet. Ouais, dis-leur mon chèque, y'a de la haute marque piquée. Du 9, 4, 5, 9, on va tous les piquer. Voyou, voyou, le spécial pour toutes les cités qui dépiquaient, qui abritent de vrais voyous. Voyou, voyou, le spécial pour toutes les cités qui dépiquaient, qui abritent de vrais voyous. Bon, c'est la guerre. Boy, c'est la guerre. Boy, c'est la guerre. Boy, c'est la guerre. Boy, c'est la guerre. Boy, c'est la guerre. Boy, c'est la guerre. Boy, c'est la guerre. Sur la route du succès, j'arrive en bolide. Comme de la pure, on va 18 si t'es solide. t'es les gros impolis. Prends à lui vie Gucci. Faut du rock, man, again, no bullshit. J'ai mes couilles et le regard vif. Mets les poches pleines comme les balles du haka. Cayette et la boca, promets-moi un boca. Litron de peu, oui, caché dans l'avocat. On a perdu du poids, gros, t'es mal et carence. Big craft ta bullshit, coca de 40. On peut te faire sauter pire que t'es du tango. J'ai le flingue à Rambo, pourquoi faire des abdos? On perd fort ta cage thoracique. On baisera ta fille dans ton lit, sale raciste. Le succès m'a touché, pas encore la mort. Je les envoie dans le décor, mis à mort, disque d'or. Toi t'es pété, t'as rien fait dans le quartier. T'as planté ta poucave, tes potos, on connaît ta dépôt. Mais chez Gué, mes chapas dans l'autocalibre. Et dans le phyto, ramasse la savon, fécondation in vitro. Voyou, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Voyou, hey, hey. Tout spécial pour toutes tes cités. Rap français 100% explicit lyrics. La nocturne. Hein? Bravo, laisse-les s'enflammer jusqu'à ce qu'on les arrose. Faut pas se faire au balancer aux apparences. Ceux qui parlent beaucoup n'ont jamais eu de parole. Ils aimeront quand t'es mort comme DJ Mehdi. J'ai mérité mes titres, plein de mérité. J'ai dit c'est pas de la comédie. J'ai médité mes quittés pour juger, critiquer mes idées, mes dits. J'ai débridé mes vies, c'est lucide mes vies. J'aurais mieux fait d'éviter des feats et des beats et des hits. Mais j'ai kické, j'ai vite compris que j'étais pas comme eux. Quand je les ai vus sucer des beats et des beats, là j'ai tilté. Les dés sont pipés, les jeux sont truqués. Moralité, après miraculé, je suis trop reculé. Va te faire enculer par Laurent Ruquier. La vie ça donne des vapeurs, de quoi halluciner. La plupart de tes rappeurs tombent à la chinée. Tu t'es fait lever à l'aube, début de la matinée. T'arrives en cellule d'arrivo à l'heure de dîner. C'est baisé, je suis léger mais je veux peser. Proposez-moi des lovés, j'ai des projets à déposer. J'ai creusé, à foncer, entre moi et la relais. Mauvais élève, demande-moi pas tous les défauts que j'ai. Faut que faire la queue dans les boîtes de terrain. J'suis bousillé, j'suis trop grillé. J'connais le générique et la fin du film. Fils d'ouvrier, tu veux briller. Tu finis affalé comme Jack Maine. Sauf que toi demain on va t'oublier. Faut tu baisses pour m'apaiser sa mère. Le rap game, je vais baiser sa mère. J'fais du rap hétéro, tous ces ML veulent se pousser la merde, ils veulent tous se la mettre. Poto, crois pas qu'on nous c'est la même. J'maîtrise le truc, j'ai tous les paramètres. Miro, t'es relou, faut pas qu'on te ramène. Partout, vous allez vous foutre la merde. Autrement dit des millions d'euros. Là c'est de la fin ou de la gourmandise. Là c'est Nordin ou NIRO. Ben ouais mon ami. Ça met plus la dalle, nous on va tout prendre. Ici on a tout compris dans la souffrance. Gère les pénaltys, les corners et les coups francs. La jalousie les tue à tout ce qui meurt en souffrant. La jalousie les tue à tout ce qui meurt en souffrant. Les ratailles se taillent avec les vrais qui restent. Tu me donnes du bif, espèce de suspect. Si je te croise à la tiède, je roule dessus direct. Je suis dans les prises de tête. J'ai jamais mis mon nez dans la houppette. Vous allez retrouver vos carrières de merde. Découpées en vie dans un sac poubelle. Depuis que j'ai sorti vivant. Les salopes augmentent le prix. Tu veux réussir, ok Sartek. T'es un gros cul mais il manque le salope. Y'en a qui soutiennent que pas intérêt. Qu'ils soient bons ou pas, j'peux plus les voir. Ils veulent que c'est à venir à tes soirées. Ils te ramènent que dalle, que des plans foireux. Gros qu'est-ce tu veux, je les ai vus venir depuis la couveuse. Ils veulent tous partager l'enfer mais ils gardent tous leur paradis pour eux. Chacun sa route, nique vos mères. Les grands bonhommes pour les grandes victoires. Salope, les grandes salopes pour les grandes histoires. Salope, j'pense à ceux qui sont pas en vie. Et puis aux vrais qui nous envient pas. J'ai eu beau chanter, follow me, bats les couilles si tu nous suis pas. J'vais te balafrer la joue. J'ai rien dans lui, ça petit bâtard. C'est à la nuit que je remets tout un jour mon compte en banque, réclame des zéros. Autrement dit, des millions d'euros. Là, c'est de la faim ou de la gourmandise. Là, c'est Nardine ou N.I.R. Ben oui, mon ami. Ben oui, mon ami. Ben oui, mon ami. Ben oui, mon ami. Ben oui, mon ami. Ben oui, mon ami. Ben oui, mon ami. Ben oui, mon ami. Planète Rap 100% dans la baie, contrôle la 9h comme jamais en la baie, ouais, la baie, c'est nous la baie, on contrôle la 9h comme jamais en la baie, c'est nous la baie, hey. On commence par où, je termine ou pas, j'ai RDV avec mon gourou, trafic de sub dans les locaux du check, arrache ta mère comme au feu rouge, on s'arrête sur un deux roues. Je vais les marquer comme au fer rouge. Chez eux toujours, on s'arrête pas. Les petits fils de pute, nous on n'écoute pas. De midi à minuit, à serpé sur le rindé. La rue je connais, moi j'ai grandi dedans. Le temps c'est du papier, le temps c'est du papier. Dorénavant, je fais du trafic dedans. La maison en contrôle, c'est normal. Nous on casse des gueules juste pour casser des bars. Maintenant j'ai plus le temps d'allumer. J'appelle un petit peu, un flag et je passe les 5 bars. Hé, hey, pas t'as raté. Bon, violent comme RERD. Violent comme Green et G2. Chez nous on déteste le 1er mai. S'il y a pas d'argent, tapine la farine ou vend quelques pains, ça te donnera du blé. Merci, je connais pas le travail et pour mon besoin, c'est fils de pute, j'attends pas ta dureté. Je suis le boss. Celui qui teste, on croit ta tête, mon gosse. Ira pour les meufs, j'écrive leur texte avec du gloss. Je défends ma cause, je défends ma cause. Pro Black, Luther, Malcolm, Mandela, Tupac. William Thomas à la réa. Squad, tu chez Ibra au 50 corps. À l'heure où je te parle, je suis devant le mail. Y'a des fils de pute en bas de chez moi. Bon, je suis dans les temps. Les dents en argent depuis l'adolescence. Depuis le début, je suis convalescent. Les puristes détestent mes lyrics. Les petits PD me critiquent. Mais comment fait ci, mais comment fait ça. Mais comment fait-il, Hugo, quels sont ces gris-gris. Le Kem, voilà, je connais. Depuis tu peux entourer de gros bonnets. Tu connais, frère, je reconnais. J'ai appris à faire de la monnaie. J'ai appris à faire de la monnaie. Je contrôle la nozo comme jamais. Trace de sperme sur mon pyjama. Si jamais, tapez la gamelle. Pourtant je vole depuis gamin. Chamin, connu l'intérim. Pourtant je roule dans des gamos. Charlie, Vatos, Locos. Dorénavant c'est moi le patron. Charlie, Delta, Charlie. Pourtant c'est que t'avances pas trop. William Coma à la réa. Juché Ibra au 50 corps. À l'heure où je te parle, je suis devant le mail. Y'a des fils de pute en bas de chez moi. Niska Murder dans la nocturne, 100% rap français. A2S avec l'équipe Blancoc, la Dream Team dans la nocturne. Comment on fait, c'est le nom de ce morceau. Et après il y a Fababi dans la nocturne, 100% rap français. J'suis dans le 9-3 avec l'équipe de rêve. Vrai soldat ne connaît pas la trêve. Vrai bonhomme répond à l'appel. Si t'es pas un dur, ne force pas le thème. Une ligne de vie, une ville, une rime. La concurrence est inutile. On pile le bise, on pile les titres. L'empire se tend de pire en pire. J'ai le rouge sous les lunettes. J'ai le seum, tu sais plus où te mettre. De blanc comme la Dream Team. J'ai pas prêt à me soumettre. J'ai des frères qui me soutiennent. Pas de magie, j'suis resté le même. Authentique, j'ai qu'une parole. Et chez moi, elle est souveraine. Attendu comme blanc criminel, comme le fils saint Zinedine. Passe-moi le mic de sa sortie, c'est déjà mille films. De ma première Air Max à ma première Jojo. Le respect est en moi, mais le bitume j'vais dans la cheveux. Saigner des oreilles, vu que t'es une balance, j'ai l'habitude qu'elle siffle. Ton rap de merde, j'en ai ma claque, tu mérites plus qu'une bible. Ils parlent tous de la monnaie, ils parlent tous de la monnaie. Ils disent tous qu'ils ont du bif, ils en ont moins dans les poches, qu'ils s'en foutent dans le bif. S'invente des vies sous alcool et spliff. Viens dans la tête, encore moins dans le calcif. On parle de moins en moins, plus on fait chiffre. Ok, billets kilogrammé. Dans la street on a trimé. Dans la merde on a ramé. Dans le four ça sent le cramé. Fini toujours ce qu'on a entamé. Toujours les gros pourtant je viens d'armer. Tu seras jamais comme nous. On va les gros jamais. L'équipe de Rennes, on va te montrer comment on fait. Du but cravate de 16, on va te montrer comment on fait. On va te montrer comment on fait. On va te montrer comment on fait. Eh ouais, Dream Team, pas vrai. Pas pour plaisanter, on produit pas de rap, joue, eh. Sors pas les joues, eh. Il mérite que le fou, eh. Arrête cardiaque comme tout, eh. Cardiaque, je puis grave ta voiture. Ah, mes gars, tu vas le fourrer. Sous Jack, ne fais pas le bourré. Des terres pour te fourrer. Tu craques malgré les coups de couteau. J'avance, Willy, Willy, touré. On est même pas arrivé que les MC sont parés. À ce qui paraît. C'est qui ces Blancoc? Va te faire enculer si tu croyais que c'était quelqu'un d'autre. Nous on est nous, nous on est nous. Nous on est pas les autres. Pour qu'ils se prennent, pour qu'ils se prennent. Pour celui qui ne sera jamais. Moi je plaide des gaines cramées. Dans la tête pour clamer. J'avance dur toute l'année. À faire de l'oseille on est programmé. Laisse. C'est qui ces blancs comme c'est qui ces blancs comme chez les chiens y'aura jamais assez d'ennemis pour nous stopper. Votre volonté atteint des sommets. Équipe de rêve tu t'en doutais. Vouloir nous dompter. C'est du suicide, faut te camoufler. Si c'est pas nous, c'est à 12S. Et je peux t'assurer, refrain, que tu vas m'enfler. Là, nous accueille à bras ouverts, car elle avait déjà anticipé. En qualité, en quantité, à débuter, à créditer, à éviter. C'est du somme dont t'es obligé de valider. On t'a montré comment on fait, on va te montrer comment se refaire. On va te montrer comment elle fait, on va te prouver qui sont les vrais. On va te montrer qu'on en est fiers. Je crée de la musique pour mes frères. A deux S blancs en cladrine, team tout solidaire. On va te montrer comment on fait. On va te montrer comment on fait. On va te montrer comment on fait. On va te montrer comment on fait. On va te montrer comment on fait. On va te montrer comment on fait. On va te montrer comment on fait. On va te montrer comment on fait. Déterminé, tu me connais. Depuis que je suis né, je suis condamné. Fais pas de ciné, je vais pas m'incliner. Alors faudra m'assassiner. Prends de l'argent, mais sors de côté. Et tu fermes ta gueule pour pas te faire sauter. Tu cuisines le crack, y'a la daronne qui prie dans la chambre d'à côté. Dans la chambre d'à côté. Toujours convoqué, toujours convoqué. On en est même plus choqué. On est même plus choqué. Si t'es l'invité, sois-en sûr, y'a du doré, du soqué. Du doré, du soqué. On va pas t'escroquer, non. On peut même te faire croquer. Ouais. Si tu nous croises au Caraïbes, sache qu'on est pas là pour c'est souquer. C'est qui ces Blancoc, va te faire enculer si tu croyais que c'était quelqu'un d'autre. Nous on est nous, nous on est nous, nous on est pas les autres. Pour qu'ils se prennent, pour qu'ils se prennent. Pour celui qui ne sera jamais. Moi je plaide des gaines cramées. Dans la tête pour clamer. Charbonne dur toute l'année. À faire de l'oseille on est programmé. Laisse. C'est qui ces blancs remplir le frigo de ma daronne. Entre la rue et le succès. sais, j'essaie de retrouver l'équilibre. Ouais. Les petits d'en bas font des soleils, même si sur ta montre il est minuit. Hein? 2-3 sous la grée, les caves sont larguées. Même si tu viens du futur, mon négro, je peux quand même venir te repasser. Pas peur de mourir, pas peur de mourir. Pas peur du vide, pas peur du vide. Va dire à ton arbitre que sur nos terrains y'a que les balles qui sifflaient. Une douleur familiale que d'après la psychologue voudrait cacher. Je sais pas si la France est raciste, mais les cups m'ont déjà tabassé. T'as voulu clasher baby, du coup t'as pas réalisé. Tu te retrouves à l'auto, le 3 quarts de tes membres paralysés. Ils aiment pas baby, baby, no more you know. Tout ce que je dis est bien plus profond que tout tes films porno. Je suis pas d'humeur, mon équipe est pas d'humeur. La vie est de ma d'humeur. Sois mal poli, ou qu'en garde à j'ai mal dormi. Rary the ma Johnny. Tu me donnes de la canne, j'vends tout. Si c'est haram, j'm'en fous. La grande sœur est dans le jean, mais lui baby est dans le hood. Aya Salah, j'suis devant mon tapis. Raconte pas ça là, j'vais t'enlever la vie. J'suis de la mafia, qu'on prenne des capiches. À mes têtes de réseau que la juge décapite. J'suis pas d'humeur, mon équipe est pas d'humeur. La vie est de ma d'humeur. On est sur les lieux du meurtre. J'suis pas d'humeur. Fababy dans la nocturne 100% rap français. Sommeil, son nouveau son. À venir un morceau de Igor LDT, Dirty de Tess. Ça arrive tout de suite. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Dirty Tess, Igor, à découvrir maintenant dans la nocturne 100% rap français. Ça peut peur à toute la night, toute la night. Ça fait peur à tous les mailles, tous les mailles. C'est cœur à la tête. Elle te sait jusqu'à la mort. Kilomètre de bise à notre actif, on donne un kilo. Tu veux nous la mettre, petit filou. Parle que tu fumeras tes splits. Tiens, tes clicos, c'est par ici la bœuf. Il est enfin fructifié le jazz de l'ami. T'as raison d'avoir peur pour ta meuf. Le West est net du ghetto lui a mis. Mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce t'en sais. On a fait des bracos mais personne l'a su. Voler, dealer, taper des lascars, désolé. Mais tout ce qu'on fait, on l'assume. VLT, ça rappe cette vite, bref et fort. Tard la Victor Belle, fort. Génération, voleur de fort. Pompe pour devenir plus fort. 9-4, ah c'est l'heure, ici pour une erreur, on trouve pas ça là. Un peu bon, tu tournes le dos, ça attire, bang, docteur Ham, c'est l'heure. J'ai pas besoin d'un gros bling pour mon bracelet, juste mon beau gosse pour me passer l'heure. C'est pour tous mes magots, tous mes insolaires. H24-24 qui se font harceler, tu reprends un gueule d'admettre que tu fais trois fois le prix de son salaire. En même pas une semaine, ça a l'air ouf, mais faut bien sortir ça, fouf. Non, pour moi le dirty, c'est trop s'il faut. Vous pouvez la Miami, trouvez qui vous voulez, entre deux FIFA. Je te décris ma vie, LPC, Scarlatest, 9-4, VLT, CIV Galsen, Lima, Jimmy Conakry, Zaza, Centrafrica, jusqu'au Bénin. J'ai des gars prêts à faire mal. Pour eux c'est banal de tirer, vider son chargeur de balles et pique-niquer. Pour un match de foot sur canal, qu'est-ce qu'on fait, je te dis qu'est-ce t'en sais. On a couplé les MC, je vais les distancer. En un morceau j'ai sorti autant de flow que eux. En une vie tu tapes pas le délire. Rabouler le bif qu'on s'embellisse. Que mon équipe fasse kiffer toutes les petites miches de Bélis. Tâche express avant qu'on périsse. Mettre bien la famille à l'abri des intempéries. Péri, merde, j'ai plus de batterie dans mon Berry Black. Pas de blague, lâche qu'on a perdu le contact. La petite miche du 9-4 qui fait péter les bras à tous les mecs du terre sec. T'as le Berry, son troisième, on sort du périph. Je m'arrêterai quand tu me diras que je suis terrible ou quand y aura des mecs déter dans ce putain de rap. En attendant, je lâcherai pas la trappe, négro. Moi aussi, il me faut du blé qui coule à flot. Pourri, flow, Feno, Gino, Tito et j'en passe. Tous mes rails, posté sur la place. Qu'attendre que je fasse le taf et que je me casse de cette vie de merde dans Val-de-Marne. Où le sourire, nos mères se cachent derrière des larmes. Car la prison freine son fils et que sa santé se défleurit. Dédicace à tous les mecs qu'on enterre. Classique à des pierrots, pierrots, vous nous mentiez à mort. Mort dans nos cœurs à vie. Dans nos cœurs à vie. Dans nos cœurs à vie. Dans nos cœurs à vie. Vous nous mentiez à mort. Vous nous mentiez à mort. Vous êtes, vous nous mentiez à mort. Vous êtes dans nos cœurs à vie. Planète 100% rap français. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui... Ça arrive, Nekfeu, mais là, il y a Lefa aussi de retour. Lefa de retour dans la nocturne. Négro, si tu viens de naître, je te conseille de pas t'improviser, maître. 2000 tons, accroche-toi parce que ça va chier. Assis-toi si ton cœur n'est pas en acier. Si t'as des couilles, c'est tout à ton honneur. Mais ça suffit pas pour faire de Watt un mec en or. La réalité est crue et cruelle. Je l'ai vu baiser la fiction dans une ruelle. En preuve d'amour, moi je suis un radin. J'ai pas laissé mon cœur au vestiaire mais dans les gradins. Avec le peuple, avec mes potes. L'histoire se répète, on ouvre des portes. Mais tu sais la merde, on la connaît, la Hesse nous a cogné, donne le pognon que les moteurs des caisses se mettent à grogner, c'est notre vengeance. On vivait sans gens, ah, pendant que les gens s'en foutaient de nos chansons. Ah, tu sais le succès, on vivait sans ça. Maintenant les gens nous suçaient, sont devenus sociables. Rap game, je t'ai baisé, mais s'il te plaît, ne tombe pas enceinte. Combien de fois faudra-t-il que je te dise qu'on n'est pas ensemble? Négro, je vais faire du sale, donc prévois les pansements. Tu pensais que j'étais game over, bah tu sais quoi, pense-moi. Je suis pas comme toi, je me suis pas inventé de perso. J'ai cette envie de tout niquer depuis le berceau. Ma colère, je la coffre, je l'emmagasine. Et quand je craque, je disparais, je change ma carte team. Comment dire à tous ceux qui s'improvisent amis que je les déteste comme les femmes détestent la polygamie. J'aime pas non plus les teutrés, les faux frères. Mentir, yeux dans les yeux, putain, faut le faire. Faux frères, mentir, yeux dans les yeux, putain, faut le faire. Je te connais pas gros, je prends mes distances. Les hypocrites m'ont suffisamment pourri l'existence. Laissez-moi, j'ai pas la tête à réfléchir. Le projet c'est tout rafler sans jamais fléchir. De l'autre côté c'est trop maigre, ils ont qu'à pousser. Ils ont qu'à bosser, je vais les éclabousser. Je suis pas encore dead, vous pouvez pas encore me tèche. D'ailleurs j'espère que seuls les frères suivront mon cortège. Tu peux que dire waouh Fall, t'as pris du niveau. Merci mais ton sang va couler dans les caniveaux. Vous pouvez la peur, bande d'acteurs, vous n'êtes pas réglo. Vous ne faites pas le poids, ce chapitre me paraît clos. Rien à foutre de savoir ce que les rival. Ici c'est Paris, c'est tribal, limite cannibale. Arrêtez de me parler, j'suis pas d'humeur à les barrer. Vous puissiez pas la peine de me comparer, j'n'ai aucun rival. Pas besoin d'insulter des mères ou de crier bang bang. Pas besoin d'une meuf qui twerk à côté d'une belle benz. Et puis bang bang, c'est pour mes berbères. Monte sur le ring mais fais pas le rage aussi, tu dois perdre. Y'a pas de pleine lune ici avec des réverbères. Les longs carrousse qu'on soit avec des verbières. T'es tombé sur les zonards de la pire espèce. Y'a tellement de schlag ici que les vampires ont de l'herpès. Ah, de l'herpès. Y'a tellement de chag ici que les vampires ont de l'herpès. De l'herpès. Tu me connais toi. Tu me connais toi. Tu me connais toi. Tu me connais pas. Tu me connais pas. Planète rap, 100% rap français. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, aurait vendu millions d'euros et j'ai poussé comme une rose parmi les orties. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, aurait vendu millions d'euros. Ouais. Nique les clones. Je t'avais promis qu'un jour tu te rappellerais de nos têtes. Je ne suis pas prêt de me taire, de la primaire au lycée déprimé, mais je me sentais prisonnier parce que les professeurs voulaient toujours me noter. Pourtant j'aimais les cours, j'étais différent de tous ceux qui me disaient soit tu subis, soit tu mets les coups. Moi je rêvais d'aventure, griffonnais les devantures, j'attaquais tous ceux qui m'étaient. m'étais défendu. Rien à péter de toutes leurs émissions télé de vendu. Je voulais voir le monde avant d'être rappelé devant Dieu. Et pour ne pas qu'on se moque de moi, je bouquinais en cachette pendant que les gamins de mon âge parlaient de voiture. Un des gars de l'époque lui cravait des armes à Nicole. Et un beau jour, il a ramené une arme à l'école. J'étais choqué de le voir avec un Glock. Oui, j'en ai rien à foutre de vos putains de codes. Oui, j'avais peur, je l'ai dit, mais j'ai un cœur, je le dis, mais je suis toujours là pour mes putains de potes. Maintenant, pour lui, le bruit des balles est imprimé dans le crâne. Ceux qui traînaient dans le bas l'ont entraîné vers le bas. Faut jamais céder à la pression du groupe. De toute façon, quand tu fais du mal, au fond, tu ressens du doute. Faut jamais céder à la pression du groupe. De toute façon, quand tu fais du mal, au fond, tu ressens du doute. Je ne vois plus que des clones, ça a commencé à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici, tout le monde joue des rôles, on aurait vendu millions d'euros et j'ai poussé comme une euro parmi les orties. Je ne vois plus que des clones, ça a commencé à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici, tout le monde joue des rôles, on aurait vendu millions d'euros et j'ai poussé comme une euro parmi les orties. Ne me dis pas qu'on est bon qu'à stagner. Casse-toi, moi je ne me sens pas casanier. Instable, ne me parlez pas de m'installer. Quand t'es différent des autres, on veut te castagner. T'es malheureux quand t'as qu'un rêve et que tes parents ne veulent pas traîner vers le bas. T'inquiète, je te promets de me battre. Non, je n'aime pas quand je me promène et que je vois ce petit qui se fait traquer pour des problèmes de poids. Mais pour qui se prend-on de triste pantin? J'ai Christ pensé pour que le Christ m'entende. Et dans nos cœurs, on est à l'ère de l'âge de glace. Et mais c'est plus qu'un personnage de H. On n'est pas des codes barres. T'as la cote sur les réseaux, puis ta cote barre. Non, on n'est pas des codes barres. T'as la cote sur les réseaux, puis ta cote part. Le regard des gens t'amènera devant le mirage du miroir. Mais moi j'ai la rage, ma vision du rap elle est rare. Tant que misérable s'endormira dans la rame. Pendant que le rap se réchauffera sous les rails. Conforme des copies conformes. Quoi? Qui ne pensent qu'à leur petit confort. Conforme des copies conformes. Qui ne pensent qu'à leur petit confort. Et... je ne vois plus que des clones, ça a commencé à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, on aurait vendu millions d'euros et j'ai poussé comme une euro parmi les orties. Je ne vois plus que des clones, ça a commencé à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, on aurait vendu millions d'euros et j'ai poussé comme une euro parmi les orties. Ma peine en leur parlant de nous, je décuple mes sens comme un handicapé. Comment trouver le chemin qu'on m'indique à peine? Je me sens comme un handicap, maintenant manant de moi. J'ai tué ma peine en leur parlant de nous, je décuple mes sens comme un handicapé. Comment trouver le chemin qu'on m'indique à peine? Je me sens comme un handicap, maintenant manant de moi. Dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Planète Rap, 100% rap français. Furtif, 9-2 dans la nocturne, 100% rap français. Furtif. 7-62. C'est chaud dans la ville, tout le monde est indécis. J'ai fait des choses dans ma vie souvent d'imbécile. Ferme un peu ta chatte portée par deux missiles. Un neuf dans chaque pièce de mon domicile. 10 piges de placard pour un homicide. Trop vaillant pour se porter sur le suicide. Laisse aucune empreinte arrachée à l'acide. Tu biffes ta grand-mère et ta cousine. Je bosse comme un chinois, je bosse comme à l'usine. Bouteille de vodka, bloc de résine. MP3 de guerre, micro usé. Putain chef de guerre, comment russer? Travaille les haters, travaille comme usé. Va niquer ta mère, c'est le square ici. Va niquer tes morts, on pète le score ici. Rafale dans ton pit si tu connais. Marche avec des kits, je marche avec gros bonnet. Pas moi pas dans le vide, mon heure a sonné. Pas moi en liquide, pas ma grosse monnaie. Gros joint de bœuf, j'ai un peu de paille. Mer toute bleue, où tu veux que j'aille. J'ai pas besoin de faire mes bails. 7,62, la taille de mes balles. C'est chaud dans la ville, bah ouais m'aurais mon disque de platine. Bientôt je l'aurai. 7,62, calage doré. 7,62, calage doré. 7,62, calage doré. Mon disque de platine, bientôt je l'aurai. C'est chaud dans la ville, bah ouais m'aurais. C'est chaud dans la ville, bah ouais m'aurais. Mon disque de platine, bientôt je l'aurai. 7,62, calage doré. 7,62, calage doré. 7,62, calage doré. Mon disque de platine, bientôt je l'aurai. C'est chaud dans la ville. Exo touché précis, version réelle de 7,62.

Personne m'oblige à fumer. C'est mon corps, mon choix délibéré. J'en connais les bons côtés sans oublier les méfaits. Cherche pas à minimiser les effets. C'est à toi de gérer, à toi de contrôler. C'est pas une drogue qui va te posséder. Garde ton bon sens, c'est pas la fumette qui guide ta conscience. Elle est bonne que pour apaiser les souffrances. Passer un bon moment, mais c'est toi qui te mettra en transe. Fini l'époque des babas cool, maintenant c'est des papas qui roulent. Légalisé pour moins d'hypocrisie. Pas si compliqué, t'es mal les États-Unis. Au lieu de cramer des low-key, tu ferais mieux de renflouer le pays. Si c'est pas avec François, tant pis. Mais on y viendra, j'en fais le pari. On y viendra, j'en fais le pari. Tu veux créer de l'emploi, légalise. Tu veux moins de dealers, moins de tollards, légalise. Tu veux moins de trafic, plus de taxes, réalise. La solution est là, cogite et légalise. Tu veux créer de l'emploi, légalise. Tu veux moins de dealers, moins de tollards, légalise. Tu veux moins de trafic, plus de taxes, réalise. La solution est là, cogite et légalise. Son rap français, planète rap. La nocturne. J'ai goûté rumeurs de mes ennemis. Pas les couilles ton game. Si je perce dans le vide, on me demandera quand même que je les aide. Donc je pars en trompe quand les taux se resserrent. Creuse ta tombe si t'as mal visé. T'esquives la mort, pas les imposteurs. T'as fait du vice, on va pas sortir d'affaires. J'ai confiance en mon équipe, ravalé, on est quitte. On tape la brinque, c'est ça tous avec les mains vides. Dès qu'il t'a crevé, tu me parles dans le dos. Mon seul adversaire, c'était mon égo. Négro, je m'en bats les couilles, ce que les voisins racontent. J'ai vécu seul dans le noir, la pénombre. Combien sont présents quand t'es dans la merde. J'ai su creuser mon chemin tout seul dans l'ombre. Négro, j'arrive dans le game pour tous les baisers. Peu dans ma tête, tu perdras la vie. Je me vante pas d'avoir vendu au détriment d'avoir perdu la mise. Le game c'est comme un dialogue de sourds, on me comprendra jamais. J'ai voulu prendre la parole, je me suis rappelé que j'étais comme Jamel. J'ai tant voulu percer, non. Des suceurs de buzz, y'en a partout. Tu te retrouves seul tout. Des gros, je m'en bats les couilles, ton game, non. Je me retrouve seul tout. Que des faux amis dans la street, ouais. Je me retrouve seul tout. Ouais ouais. J'parle plus, j'agis. J'les rafale d'une balle, c'est facile. Fils de pute, t'es très très mignon. Pour ça que j't'assassine. J'ai tant rêvé de baiser l'état. J'ai tant rêvé de baiser tes tas. Quand j'ai voulu baisser rap game, d'autres ont voulu me carotte la place. On t'aime pour ce que tu vaux. Négro, plus pour ce que tu vises. Quand tes potos te prennent de haut. Rebeu, j'ai changé de vie. Seul dans mon coin, j'écrive la nuit. L'un seul blanc, tu perdras la vie. Suffit pas d'avoir cherché en plein défaut. C'est les couilles quand tu vises. J'espère que tu comprendras le message. J'suis né de haine et de guerre. Quand on calcule que pour les intérêts, j'fais pas que tirer en l'air. J'arrête de parler puis j'm'exile. Toi, tu parles beaucoup, tu t'exiles. Quand j'ai voulu percer dans le rap, on m'avait juste montré la sortie. J'ai tant voulu percer, non. Des suceurs de buzz, y'en a partout. Tu te retrouves seul tout. Des gros, j'm'en bats les couilles, ton pied, non. J'me retrouve seul tout. Que des faux amis dans la street, ouais. J'me retrouve seul tout. Pour son rap français, planète rap. La nocturne. Marre d'être déprimé, Seigneur m'entends-tu? Je me détruis même au détriment de mon art. J'aimerais agir autrement, suffit d'un rien, peut-être une main tendue. Rare de voir un être humain, ça me choque. Il paraît que c'est normal, est-ce que c'est moi? Je me rendais même pas compte que je vous faisais du mal. Excusez-moi, ils ont jeté mon père de son travail comme un malpropre. L'avenir de ma famille dépend sûrement de mon album. Faut que je sois là pour ma petite sœur. Elle est inquiète, j'ai appris qu'être un grand frère, c'est pas juste taper ceux qui l'embêtent, c'est pas juste. Je suis tiraillé entre mes envolées lyriques, que peu comprennent ces problèmes de fric qui me contraignent. Envers ma famille, mon âme est pleine de dettes. Papa n'a jamais demandé de l'aide. Il a géré les crises d'une main de maître. Et quand maman était enceinte de moi, je lui mettais des coups dans le ventre. Je lui ai fait du mal avant même de naître. Please forgive me while I'm wearing pop. I'm doing all of this for masquer ma peur, parfois j'étouffe. Il n'y a que le créateur qui s'est fait tout seul. Quand est-ce qu'on stoppe, y'a plus de chaleur. Laisse-moi t'accoster deux secondes, ça vient du cœur. T'écoutes mon rap au stéthoscope, mon rap est père. Et je suis tellement fier, je suis loin d'être un mafieux. Mais j'agirai comme un parrain si tu touches à ma filleule. En amour, je suis hyper sauvage. Tout est vrai dans cet album. J'ai juste mélangé quelques histoires et changé les personnages. On n'est qu'une infime parcelle. Ressens-tu l'inertie? Peu importe qui je suis, mes paroles sont universelles. Et toi qui craches sur moi, si tu me connaissais, je suis sûr qu'on serait potes. Je t'en veux pas, j'aurais peut-être fait comme toi contre un mec comme moi à l'époque. Avant je voulais me prouver des trucs, j'avais peur donc je voulais me battre. Depuis que j'ai frôlé la mort, j'ai plus peur de rien, je veux plus me battre. Je fournis les graines, je me dis que mon large public peut les semer. La vie est courte, les années passent plus vite que les semaines. Je veux le faire, t'en es capable. Non, je ne suis pas un mec à part. Non, je ne vis pas dans un bête d'appart. Ne te fie pas à ma tête à claque. Et les gens me voyaient déjà noyés, ils me croyaient même pas. J'ai la peau pâle, mais j'aime partager le mafé au foyer. Des fois, tu croyais quoi? Et puis plaide, moi je vois les hommes comme la sape. J'essaye, j'enlève l'étiquette si j'estime qu'ils sont à ma taille. Et je le paye parfois. Les gens ne sont pas ce que l'on croit en soi. Le sérum d'amour, c'est le genre de boisson que l'on boit sans soif. J'angoisse en boîte. Ondulation de la population. Ils ont trop bu, on s'en lasse, en copie. Population, ovulation, aucune action n'est sans conséquence. Mais certains accidents sont bénéfiques. Regarde ton nombril avant d'enfoncer les filles. Dis à ceux qui te jugent que c'est juste un vice de plus. J'ai plus d'amour pour les salopes que pour tous ces fils de pute. Je revois rayonner les contours de tes cheveux auréolés. Le soleil, je suis désolé pour tous ceux qui t'ont rayonné. Je sais que c'est dur de se sentir vivant dans cette noirceur étouffante. Toi et moi, en vision infrarouge, on ressemble à des fantômes. Pardon aux gens que j'aime, que j'ai plus le temps de voir. La mélancolie sur les quais de la gare. Je repense aux vacances d'été de la CAF. Depuis j'ai vécu des choses, mes expériences avec la CAM. Et la musique qui m'a sauvé, rien de plus précieux que les clés de la cave. Tu veux chez tout que des chèques, man, c'est le chétan qui t'achète l'âme. Chaque fois que tu jettes l'arme dans la chèque que t'as chez toi. Chacun ses addictions, les moins que rien se multiplient. Ils veulent se soustraire à ma division dès qu'il faut payer l'addition. On traite nos corps comme des déchetteries. Consomme la mort en se disant qu'on va pas s'empêcher de vivre. Et j'y ai pensé, la tête dans les toilettes. T'es un esclave quand t'es plus maître de toi-même. À l'heure où j'écris ça, j'ai arrêté de fumer et de boire. J'ai arrêté, mon Dieu. Pourvu que ça dure, je me sens tellement mieux. Ouais, j'ai arrêté, mon Dieu. J'ai arrêté, mon Dieu. De la nocturne, après avoir écouté un extrait de Feu, l'album de Nekfeu qui est dans les bacs. Superbe album, franchement. Allez-y, les yeux fermés, mettez, ça glisse tout seul. Passé 1h18, comme le dirait Doc Gynéco qui est passé cette semaine. Un pur kiff d'1h18, cet album de Nekfeu qui est dans les bacs. On a conclu avec un extrait qui s'appelait Être humain. C'est fini donc pour la nocturne, ça revient dans une semaine. Passez une bonne nuit, Fabulo est là au contrôle. Prêt à mixer rap, R&B en non-stop. Coup d'envoi, on y va. Ciao. Rap et R&B non-stop.